vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de cette semaine, assemblage rookie. On goûtera un produit des plus enfantins dans notre chronique culinaire, grosse pointe dans le reste. Et Tania nous fera découvrir de la nouvelle musique dans son blog Tania is Gonna Entertainia. Assemblage rookie commence tout de suite. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rocky pour la semaine du 10 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on est au studio de C'est fou, 80 FM à Trois-Rivières. Oh que oui! Le seul, l'unique, parce qu'il y en a juste un. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas le budget pour plusieurs studios. Non, on est désolé. Donc, bienvenue à l'émission. Ça va, Tania? Ça va très bien, toi? Absolument, passe une belle semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, tout à fait. Cool. Bon, le déménagement, c'est derrière toi, on l'a déjà dit la semaine passée. Oui, puis aujourd'hui, du moins cette semaine, on a eu un petit peu plus de soleil que les dernières semaines. Oui. On apprécie beaucoup. Un petit peu de crainte de pluie par moment, mais ça nous a pas trop affecté. Non, puis quand ça tombe comme en espèce de douche. T'as 5 secondes pour soit rentrer ou sortir de ta voiture, ça dépend. Mais je trouve que le mot en anglais fonctionne mieux, ils ont des showers. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire une douche qui est tombée sur nous aujourd'hui? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça pour dire que c'est une bonne petite météo. Il n'y a pas eu de délai de pluie pour le baseball tant que ça non plus. Pas de match remis jusqu'à maintenant. Donc tout le monde est bien content. J'espère que tout le monde est content, même pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Aujourd'hui, le plan d'émission, comme toujours, nos habitués de l'émission, c'est 5 semaines de réponse là, en première heure. On a après le crime en deuxième heure et une grosse pointe adresse en troisième heure. Ça, c'est pas mal le pattern que j'ai pris depuis le début d'été. Aussi, je pense que tu as pris goût à faire deux chroniques dans la même émission. Oui, vraiment. Je sais pas pourquoi, là, mais oui, j'adore ça. Donc aujourd'hui, on va avoir un segment qui va être musical. Je vais vous faire découvrir mes coups de cœur de la semaine. C'est vraiment tous des artistes que j'ai découverts récemment, c'est-à-dire dans les trois derniers jours. Oh. Puis j'arrête pas de les écouter. À la fine pointe. Je n'arrête pas de les écouter. C'est comme sur repeat sur mon téléphone. Donc je vais essayer de vous les faire aimer aussi, ben peut-être. Oui. Peut-être que vous en connaissez déjà. Je sais pas encore. On va essayer de toucher du bois pour que je vous fasse vraiment découvrir quelque chose sans que vous le sachiez ou le connaissiez déjà, mais bon. Puis, deuxième segment aussi, on va parler d'emploi d'été, Mathieu. Eh ben, Colin, des petites jobines ou des jobs à temps plein? Là? Ah, tu vas voir. Donc, tout ça dans deux chroniques différentes, dans deux heures différentes d'assemblage requis. Sinon, est-ce que des fois, ça t'arrive-tu de peser sur comme le bouton Repeat One sur ton téléphone? Oui. Puis là, des fois, tu le fais par exprès parce que tu veux entendre la même pièce plusieurs fois. Mais là, t'arrives, puis là, tu démarres un nouveau CD, un nouvel album, puis t'oublies de l'enlever, puis tu te dis, il me semble. Voyons, c'est la même pièce. Exactement. Ça m'arrive souvent. Patience? Oui. Je vais essayer de ne pas faire ça sur notre logiciel de diffusion de musique. Alors qu'on s'en va entendre une pièce du palmarès francophone, voici Vol plané de Catherine. Oh. Assemblage requis. Ça fait exotique, mais je sais pas. On sait pas encore. Ouais. J'aimerais souvent t'apparaître. Oh, t'es belle. Mais ma nacelle. Mais ma nacelle ne supporte que le poids d'un oiseau. Je pourrais m'y faire, ou tu pourrais me faire une place au soleil. Je serais légère, pas d'os, pas de chair. Juste un peu d'air pour te donner un élan. Je deviendrai ton vin pour te donner un élan. Je deviendrai ton vin. tempête, nous planerons tous les deux au-dessus de nos têtes, bien au large des cieux. Je ne tomberai pas, nous naviguerons auprès et nous finirons là. La pièce Vol plané de Caterino à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet. Tania, t'es prête? Non, pour oui, vrai? Sors le PayPass! Oh, je vais me ruiner encore! Je le sais! Voici si ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas, on l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Tania l'a déjà dit, ça va la ruiner. Ben oui. Ça va la ruiner. Mais le premier, justement, est dédié à toi, toi qui aimes les trucs de beauté féminine. Oui. Ça peut arriver. Est-ce que t'as entendu parler? Je vais te le dire, ça arrive. T'es un modèle de la féminité. Non, pas tant, pas tant. Non. Tu veux-tu qu'on parle des jokes qu'on faisait tantôt? On a fait des gags inappropriés, puis Tania embarquait pas mal dans notre conversation masculine, là. Ouais. David Ferron et moi. Je suis désolée pour toutes ces femmes qui souhaitent que le reste des femmes soient ladylike. Pendant un instant, j'ai dérapé. T'es une traître. Vraiment, hein? C'est plus... Ouais, je suis d'accord. Commençons avec des fossiles lumineux. Est-ce que t'as entendu parler de ces fossiles lumineux? Oh mon Dieu, je les ai vus sur Internet. 100 000 $, c'est sur Kickstarter. Ça a été lancé à la fin du mois de juin. C'est des donc cils à LED lumineux avec F-lashes, comme dans Flashes, mais avec lashes comme des cils. Hein? Mm-hmm. A largement crevé le plafond de l'objectif financier qui s'était fixé. Donc, un succès qui illustre la nouvelle tendance geek chic. Donc, les fossiles lumineux à LED, on peut les porter aussi en moustache, nous dit-on. C'est vrai? Il s'était donné un mois pour collecter 40 000 $ US sur la plateforme Kickstarter. Et puis, à 15 jours de la date butoir qui s'était fixée, ils ont presque triplé leur objectif. Mais non. Franchissant la barre des 100 000 $ généreusement versés par plus de 1300 contributeurs. La fashion tech est un marché prometteur, nous dit l'article de Quebec.com. Certains sont prêts à payer cher pour les gadgets les plus originaux. Près d'un sixième des donateurs de F-Lashes n'ont pas hésité à verser 80 $ US pour s'assurer que leur part de ces lumineux leur soit livrée en janvier prochain. Mais non! Incroyable! C'est vraiment affreux. C'est vraiment très laid, en fait. Dégalasse. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être à la mode si on va, par exemple, dans les festivals de musique comme Coachella, ouais. Oshaga, si on va dans des raves aussi. Mais peut-être qu'à la place d'avoir des lumineux LED, ça pourrait être juste du black light, non? Ouais. Comme ça, au moins, t'aurais l'air normal en le reste du temps. C'est vrai. Avec les mêmes. Je sais pas. Donc, allez voir ça. F-Lashes. F.Lashes. Ensuite, est-ce que ça t'arrive des fois au travail... Pas l'été sûrement, mais de ne pas vouloir te faire déranger parce qu'il y a des gens autour. L'été, il n'y a personne autour de toi, mais quand même. Ça dépend. Mais oui, ça m'arrive. Ouais. Que dirais-tu d'un genre de casque de moto, mais qui te met par-dessus la tête au complet et qui t'empêche de te faire déranger et t'isoler du bruit ambiant? Je pense que je le porterais peut-être un petit peu trop souvent. C'est ça. C'est le Helm Fun. Voilà, Helm Fun. Vous serez isolé des bruits ambiants qui vous dérangent pour vous concentrer. Créé par la start-up ukrainienne Oshu Reyu, le Helm Fun est donc un énorme casque destiné à isoler une personne de son entourage. Pas seulement côté son, mais également côté visuel, car quand on cherche à se concentrer, on peut également être distrait par ce qui se passe autour, même dans le silence. Et en portant ce casque, vous n'entendrez rien et vous ne verrez pas grand-chose d'autre que ce qui est directement devant vous. conçu avec des matériaux qui contribuent à la réduction du bruit. Le Helmphone est composé de fibres de verre couvertes de peinture nitro à l'intérieur et d'un tissu à membrane avec du polyéthylène expansé à l'intérieur. Comme il est destiné à augmenter la productivité de son porteur, on trouve à l'intérieur un haut-parleur, un microphone et une poche pour un téléphone intelligent. Pour pouvoir tout faire en même temps, et ça ressemble vraiment littéralement à un casque de personnes qui feraient des cascades en moto, là. Oui! Genre Evil Knievel. C'est vrai. Un gros, ou encore, tu sais, les enfants qui ont le crâne mou. Des fois, ils ont un gros casque par-dessus. Là. Oui. C'est ça, ben, ça ressemble à ça. T'as bien raison. J'essaie, à chaque ou fois, le casque de Dead Mouse. De qui? Dead Mouse. Ah oui, la musique électronique. Oui. Ouais. À chaque fois que je fais cette chronique-là, je me dis que je devrais expliquer visuellement un petit peu plus les gadgets. Hein. Ouais. Je me force aujourd'hui, puis la semaine prochaine, je vais l'oublier. C'est vraiment le fun. On continue avec une brosse pour vous nettoyer les dents. Combien est-ce que tu prends de temps pour brosser tes dents, chère Tania? Mon Dieu! Je dirais en moyenne, 1 à 2 minutes. Je pense que t'es dans le standard. OK. C'est quand même bon. On suggère 2 minutes. Ouais. J'ai acheté une brosse à dents. Tu sais, je m'achète des brosses à dents électriques depuis des années et que je jetais à chaque 3 mois. Je pense que t'es supposé les jeter. Mais là, je me suis dit, je vais investir un petit peu plus, le double du prix à peu près. Okay. Étant spécial, je me suis acheté une brosse à dents électrique un petit peu plus fancy. Genre, mais tu sais, elle vaut comme 40$. On s'embarque pas dans les grosses affaires. Mais il y a un timer dessus. Ah, t'as juste vrai? À changer les brossettes, puis à chaque 2 minutes, quand tu pars ta brosse à dents, après 2 minutes, ça va faire buzz-buzz pour qu'elle t'arrête. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. C'est ça. Vraiment le fun. On aime ça. J'ai l'impression de sortir du dentiste à chaque fois. Non, mais des fois, j'oublie. Ça fait combien de temps que je me brosse les dents? Tu vois, c'est pour ça que j'avais besoin de ça, parce que moi aussi, je fais d'autres choses pendant que je me brosse les dents. Oh, mon Dieu. Comme je me brosse les dents en me séchant les cheveux, des fois. Oui, OK, ouais, j'avoue. Ben moi, des fois, je vais aller dans l'autre pièce, je vais aller faire des petits trucs, checker des messages, ouais. Puis là, je fais comme, mais ça fait longtemps, tu sais, genre, j'ai les gencives qui trippent pas présentement. Ta pâte à dents, des fois, vient chauffer oui, un petit peu. Oui, c'est ça. J'avoue. Donc, aimerais-tu ça pouvoir te brosser les dents en 10 secondes seulement? Ah! Oui, monsieur. Le temps que tu pourrais sauver, ça s'appelle à ma broche. Donc, à ma broche qui veut vous débarrasser de cette corvée en vous nettoyant parfaitement les dents en seulement 10 secondes, disent-ils. Une équipe d'ingénieurs et de spécialistes des soins dentaires a mis au point cette brosse à dents tout à fait singulière. En 10 secondes, à ma broche lave toutes vos dents grâce à une vibration d'un petit moteur intégré. L'ensemble est en 2 parties. La première va dans la bouche. C'est la brosse. Elle est faite en silicone antibactérien et peut tuer 99,99% des bactéries. J'espère que la 0,1% est vraiment pas trop grave. La seconde contient le moteur et une micro-pompe. Mais t'as pas t'as comme pas de pâte. On dit qu'il faut placer la brosse dans la bouche, appuyer sur un bouton, attendre 10 secondes et laisser agir, et un petit rinçage de bouche ensuite. Ça utilise des capsules de dentifrice spéciales, tu sais. Ah, OK. Lesquelles se connectent sur la base de la brosse. Les capsules coûtent 3,40$ par mois environ, si tu brosses les dents 2 fois par jour. La brosse elle-même doit être changée aux 3 à 6 mois pour 7$ l'unité. C'est quand même pas trop cher, je trouve. Tu te rappelles comment, quand on était jeune, ils disaient qu'il fallait absolument se brosser les dents 3 fois par jour? C'est puis trop, depuis hein? quelques années, ils disent maintenant seulement 2. Ouais, je pense que tu te nuis aux gencives, quelque chose comme ça, quand tu le fais trop souvent. Ben, je sais pas, mais d'après moi, c'est sûr qu'ils ont réalisé qu'à un moment donné, les gens, ils traînaient pas leur brosse à dents ou leur pâte à dents partout avec eux. Ah, mais ils recommanderaient, si c'était vraiment 3 fois qu'il fallait faire, ils continueraient de le recommander. C'est ça. Moi, je pense que si on baissait à 2, ça doit être parce que maintenant, c'est vraiment plus. La pâte à dents est peut-être plus puissante peut-être, ou quelque chose comme ça. Peut-être, ouais. Je sais pas. Pour décrire l'apparence un petit peu, hein? Hein? Mm-hmm. Ça ressemble un petit peu à de la gauze oui. que tu mets sur un bobo. Et ça mélangeait un petit peu avec les trucs que tu mets pour quand tu boxes. Oui, exactement. Ça ressemble à un mouthpiece. Un mouthpiece, voilà. Donc, l'appareil doit être chargé pour fonctionner. Un protège-bouche. C'est comme un amuse-bouche. mais une seule charge vous offrira environ 28 brossages, soit 2 semaines d'utilisation. Et on peut la recharger sans fil grâce à son module Qi. La campagne Kickstarter, ça a pris 1 heure avant d'atteindre son objectif de 50 000 euros. Donc, ils sont rendus à presque 1 million. Là, 860 000 et plus en date de l'article. Et les premières livraisons sont attendues en décembre à venir, très bientôt. Je suis persuadée que ça va bien fonctionner. D'après moi, là, on va revoir ça en magasin un jour. C'est comme le fameux charbon d'effet pour les dents là, qu'on voit partout, là, que ça blanchit les dents de façon naturelle. C'est sûr qu'on fait de l'argent de façon exponentielle. Est-ce que c'est en magasin, ça? C'est pas en magasin, non. Tu peux seulement l'acheter sur Internet. C'est intriguant, parce que les trucs au charbon, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, j'ai de la crème pour le visage au charbon, mais il y en a aussi que tu peux, comme tu fais un masque sous le charbon, puis qu'après ça, tu t'enlèves les points noirs avec ce masque-là. Oui, mon Dieu. C'est intriguant, ça. Ça a l'air que ça fait très mal. Ah oui? Oui. Ah, parce que ça enlève ce qu'il y a de pas bon. Mais je veux enlever ce qu'il y a de pas bon. Bon, ben achète-toi ça, Mathieu. Ben, je vais faire ça, je pense. est-ce que t'as un parapluie? Si j'ai un parapluie, pas présentement avec moi dans le studio, mais oui, j'ai un parapluie. moi, j'en ai pas du tout en général et souvent, je me plains que j'aimerais donc ça en avoir un. Donc, une société de prêt de parapluies. en Chine. C'est drôle, tu veux-tu savoir où mon parapluie? Quoi? Dans ma voiture. Ah, je pensais que tu l'avais prêté. Puis, puis toi, tu n'as pas de voiture, puis tu n'as pas de parapluie. Hein, les choses sont-tu bien faites? Hein? Donc, une start-up qui a lancé il y a tout juste 3 mois avec un investissement de base de 1,5 million de dollars à une compagnie de location de parapluies. Ils en offrent environ 300 000 dans 11 villes du pays en Chine. Ouais. On a payé 19 won par parapluie. On dit que c'est de 2,40 €. Là, j'imagine que c'est dans le coin de 3,50 en dépôt. Quelques cents à peine par demi-heure de location. Les stands de parapluie sont situés à des endroits stratégiques près des stations de bus et de train dans les 11 villes. Une fois que l'utilisateur a payé via l'application, il reçoit un code qui déverrouille le parapluie. Mais comme les utilisateurs n'ont pas de sanctions financières s'ils ne rendent pas le parapluie, la plupart d'entre eux se contentent donc simplement de le garder, ce qui est complètement ridicule. T'encourages une compagnie en louant un parapluie puis t'es même pas foutu de le ramener. C'est vrai. C'est ridicule. Le fondateur de la start-up, Zhao Xuping, a confié au South China Morning Post qu'il avait déjà perdu presque tous les parapluies en 3 mois. C'est vraiment triste, je comprends pas. Non, mon Dieu. E-Umbrella a l'intention, et ça va pas les faire lâcher de morceaux, là, ils ont l'intention de remettre 30 millions de parapluies en location sur le marché en couvrant davantage de villes sur le territoire chinois. Un seul parapluie coûte à l'entreprise, je dirais, dans le coin de 10 $, 7,70 €. Donc on va voir si ça va porter fruit. J'aime le concept et j'aimerais, en tout cas, ça l'explique pas tout à fait, là, mais j'aimerais ça pouvoir le louer dans un kiosque et juste le ramener à l'autre kiosque. Comme un petit peu, c'est les Bixi qui font ça à Montréal, je pense que tu peux l'amener à n'importe quel kiosque. Ouais. Ah, et les Walmart, mettons, t'achètes un produit dans un Walmart, tu vas l'échanger dans un autre. Oui. Donc c'est ça que t'aurais besoin, d'un point A à un point B sans avoir à le ramener à la place d'origine. C'est peut-être déjà ça, mais bon, c'est une idée comme ça. Ensuite, quand tu textes, ou comme les Français disent, quand tu textotes, mm-hmm. Est-ce que tu savais que les Français disaient textote? Non. C'est vraiment mais laid, hein? C'est pas super cool. Ça te surprend pas parce que c'est des Français, hein? Oh, ouais. Oh, t'es méchant avec les Français, mais Mathieu. Donne-leur un petit peu d'amour. Oui, je les adore, là, mais pas pour leur vocabulaire. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve tellement que leur vocabulaire sonne intellectuel. Textoté. Je pense en fait que c'est leur accent qui rend les choses tellement plus romantiques. Pareil comme les Britanniques. Pareil que les Britanniques. Ils peuvent dire de la grosse marde. Mais avec un accent britannique, c'est avec un accent temps. Britannique, ils disent fuck avec un accent fuck. Britannique, puis c'est beau. quand tu textotes, Tania. Oui, quand j'ai textote. Quand tu textites, ça c'est autre chose. Ah, quand mon tu textotes, Dieu. En fait, ça pourrait te servir pour les deux. c'est un pouce additionnel. Hein? Un autre pouce, un troisième pouce. Pourquoi? Que tu installes sur ta main. C'est fort quand même, ben pour pouvoir mieux texter. C'est un projet d'une étudiante en art, c'est une prothèse en pouce destinée à venir se greffer. Tu rajoutes un troisième pouce, mais tu n'utilises jamais les autres doigts. C'est vrai ça. Tu n'utilises que tes pouces pour texter. Peut-être que ça pourrait être pour faire la barre espace, je sais pas. non, c'est une prothèse de pouce destinée à venir se greffer à la main pour permettre à son porteur de faire de nouvelles choses avec un doigt en plus. Donc, un constat réalisé par Danny Claude, qui avait de la difficulté, une étudiante du Royal College of Arts de Londres. Ah. Tu vois, son gadget dorénavant devient très intelligent. Exactement. Pour résoudre des problèmes il est anglais. pour résoudre les problèmes du quotidien qui nécessiteraient volontiers un pouce en plus, il a créé, donc, cet étudiant-là, le Third Thumb, un projet aussi artistique que technologique. Le projet qui signifie simplement le troisième pouce est constitué. Merci, plugin pour la traduction. est constitué d'une prothèse de doigts flexible imprimée en 3D. Ça s'inspire de cette origine-là, donc que le mot prothèse n'avait pas la signification de remplacer ou de réparer, c'était plutôt d'étendre ou d'ajouter. Donc on s'inspire de l'origine du mot prothèse en explorant l'augmentation humaine et voyant les prothèses comme une extension corporelle, oui. La prothèse se fixe à la main et reliée à un bracelet. Elle s'est contrôlée en Bluetooth à l'aide d'un capteur de pression situé sous le pied de son utilisateur. Ça signifie que ce sont les mouvements du pied qui contrôlent en fait le contrôle du doigt en tant que tel. Mm-hmm. Il faut quand même un certain temps avant de commencer à synchroniser ça. Mais il y a une petite vidéo de démonstration qui nous montre que l'appareil est utilisable dans quelques situations simples, comme ici jouer à la guitare. La personne se sert de son troisième pouce pour venir tenir une corde sur sa guitare. Il y en a un autre qui joue aux cartes. Donc, il y a plus de place pour tenir ses cartes facilement et pouvoir jouer au poker ou au solitaire. OK, pour jouer aux cartes, je t'accorde que ça doit très bien aller. Sûrement mieux que pour texter, hein? Oui. Surtout s'il faut que tu le contrôles avec ton pied. Oui, bon, hein? C'est sûr. Ouais. Ensuite, allons-y avec Amazon. On parle de commerce maintenant. Vous savez, depuis quelques semaines, je me suis mis à parler de choses qui ont rapport avec aller acheter des choses et non pas juste les acheter. Oui. Amazon qui a breveté un entrepôt immergé. Ah, oh, ouais. Ouais, le groupe Amazon continue de déposer des brevets plus loufoques les uns que les autres. Après l'entrepôt volant intégré à un dirigeable duquel partiraient les drones pour les livraisons, voici que le 18 avril dernier, Amazon a obtenu un brevet pour un entrepôt immergé complet et un système de livraison. On ne sait pas évidemment si ça va voir le jour un jour, mais le brevet dévoile le projet d'Amazon pour pour un entrepôt intégralement immergé, ou presque. L'idée est de mettre les containers dans des entrepôts sous l'eau ou dans des piscines. Ils y seront placés par des tapis roulants ou par des drones qui les largueraient par parachute. Ensuite, ils sont censés couler jusqu'au fond de l'entrepôt, soit sous l'eau. Les containers, bien évidemment, sont en mesure de protéger leur contenu. Ceux qui sont sensibles à l'eau auront même des containers hermétiques qui contiennent de l'air. Mais ce qui est intéressant, c'est le système imaginé par Amazon pour les récupérer une fois au fond de l'eau. Il n'est pas question d'embaucher une armée de plongeurs, ça va être automatisé. Chaque paquet a un ballon et une bonbonne de gaz. Celle-ci va s'activer lorsqu'un signal sonore unique pour chaque container retentira sous l'eau. Le container porté par son ballon d'air qui se gonflera lorsque le signal sera activé et dirigera vers la surface de l'eau le container en tant que tel. Un système de courant va alors pousser le container vers la sortie où les employés vont le récupérer. Il sera également possible pour des bateaux de repêcher les containers en question et ça pourrait être adapté à des lacs naturels et artificiels, ce qui réduirait le coût de stockage. Pas besoin de construire des entrepôts de toutes pièces puisque tout serait situé au fond de l'eau. Mais ils font quoi si y a une boîte qui tombe sur une autre boîte? Comment il va ouvrir le petit ballon? J'imagine qu'ils ont pensé à ça. Je sais pas, là. J'avoue que si on regarde le dessin, il y a un graphique sur assemblagerequis.com. Tu vois que les boîtes sont pas mal n'importe comment placées. C'est ça. Donc, ouais, ça, je vois pas comment. Je ne pourrais te dire non plus. Il y a du potentiel dans cette idée-là, mais peut-être pas tel quel. Je penserais pas, non. Peut-être pas tel quel. Des entrepôts sous l'eau, quand même, hein. Ensuite, justement, parlant de consommation, chez Walmart, des capteurs pour mesurer les habitudes de consommation. C'est selon le magazine CB Insights, Walmart souhaiterait placer des capteurs sur ses produits afin d'évaluer le niveau de consommation de sa clientèle. Le détaillant américain a dévoilé son projet de développer un système de capteurs connectés capable d'analyser la fréquence de consommation de ses produits. La technologie utiliserait les fréquences radio, la connexion Bluetooth, les codes à barre traditionnels ou encore les étiquettes RFID pour y arriver. Si le projet est encore au stade de développement, les capteurs pourraient éventuellement calculer la fréquence d'utilisation de chaque produit, en plus de localiser leur emplacement dans une maison. Un capteur placé sur un réfrigérateur serait en mesure, par exemple, d'analyser l'espace de rangement et de repérer avec précision les aliments à l'intérieur, en plus de placer automatiquement une commande lorsqu'un produit aurait besoin d'être remplacé. Ça, c'est très cool. Mm-hmm. Walmart n'est pas la première entreprise à vouloir recourir à cette technologie. En 2015, Amazon lançait évidemment ses Dash Buttons, des boutons connectés pour commander un produit en un seul clic et c'est présent sur plus de 300 articles. C'est vendu par millions. Tu as vu ces boutons-là, là, c'est des boutons avec une marque dessus, comme, mettons, Gillette. Puis tu appuies sur le bouton, c'est programmé sur ton compte Amazon et ça te commande des cartouches de rasoir, mettons. Donc, un peu le même principe. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal cool. Ensuite, Hasbro a un nouveau service d'abonnement. Tu sais comment j'aime les services par abonnement? Oui. Tu payes 30$ par mois puis t'as des bonbons japonais ou des trucs comme ça, du café, du vin. Mais est-ce que ça se fait de façon... le renouvellement est continu, c'est-à-dire que tu le vois jamais passer sur ta carte de crédit? Ben, en fait, c'est un service qu'on appelle opt-in. Mm-hmm. Ouais. Dans le sens que tu t'inscris une fois. OK. Et ça va se renouveler jusqu'à temps que tu dises... Non, j'en veux plus. OK, c'est ça. Donc, oui, en tant que tel, si tu attends trop longtemps, ça va avoir passé sur ta carte de crédit, même si t'annules le lendemain, trop tard. T'sais. OK. Tu vas annuler pour le prochain envoi. Oh, mon Dieu. T'sais. Donc, il faut surveiller un petit peu plus avec ouais. ça. Ouais. Donc, Hasbro a un nouveau service d'abonnement qui s'appelle Gaming Crate. C'est pour les amateurs de jeux de société. Ah, OK. Vraiment très cool. Ça inclut même un hybride jeu de société et réalité virtuelle dans certains cas. Donc, c'est la compagnie de jouets et de jeux de société Hasbro qui entre dans le marché des boîtes par abonnement avec sa Hasbro Gaming Crate. C'est offert en deux options. Une option familiale et une qui est plus faite pour les adultes. Donc, ça inclut trois jeux qui sont livrés à chaque trois mois, ce qui est quand même pas trop pire, pour 50$ seulement US. Ah, c'est bien. Ça a bien du sens. On focus sur des nouveaux jeux et non pas des classiques. J'aimerais qu'il y ait l'option des classiques. Les jeux sont choisis par des experts de chez Hasbro avec des titres qui sont exclusifs à leur boîte. On dit que ça pourrait être disponible, ces jeux-là, plus tard, si le public aime ça. Donc, la compagnie teste un petit peu ses produits sur les amateurs. La première, Family Crate, il y a toujours un thème. La première va être Family Staycation, donc vacances à la maison. Et il y a entre autres un exclusif qui s'appelle Mask of the Pharaoh, qui a été fabriqué par Gift 10 Industry au Japon. À l'époque, ça s'appelait Mask of Anubis. Bon, peu importe. Donc, c'est un jeu physique, un jeu de table qui incorpore aussi de la réalité virtuelle. Donc, c'est un masque de réalité virtuelle qui est inclus dans la boîte. On utilise une application pour explorer une pyramide en Égypte. Ah, OK. Quand même vraiment bien. Donc, c'est un exemple de jeu. La première, le reste des détails, c'est pas super important, mais les points, le point le plus important, c'est l'abonnement. Donc, vous pouvez aller voir sur, c'est, voyons, mettez donc, ah oui, bon, c'est HasbroGamingCrate.com. Voilà. D'habitude, les liens sont à la fin de l'article, mais non. C'est vrai. Les premières boîtes vont être envoyées à l'automne aux États-Unis et on peut s'inscrire à partir de maintenant. Il va falloir voir si ça va être disponible au Canada dans l'éventualité de la chose. Ensuite, est-ce que tu magasines des vêtements sur Internet des fois? C'est difficile, hein? Oui, mais je ne fais que regarder les vêtements sur Internet. Est-ce que tu vas les acheter en magasin après? Oui. C'est le contraire de ce que bien des gens font. Ouais, des fois, les essayer en magasin et les l'acheter sur Internet, c'est comme un petit peu rebelle, hein, tu sais. Ouais. C'est parce que j'ai essayé d'utiliser ma carte de crédit pour tout achat sur Internet. Donc, David Ferron m'a dit la même chose tantôt. Vous êtes vraiment des obsédés sur votre carte de crédit, hein? Ouais, c'est surtout parce que je sais que j'ai une marge qui est plus ou moins grande. Ah ouais, on donc, le moins que je peux l'utiliser, le mieux je me sens. Faudrait que je te donne quelques conseils sur ta carte de crédit parce que je commence à m'en sortir. Oui, non, OK. J'étais pareil comme toi avant. C'est la vieillesse, je pense. Ah, peut-être. Bref, Amazon a un nouveau service aux États-Unis qui s'appelle Prime Wardrobe qui permet aux clients, aux consommateurs, d'essayer les vêtements avant d'acheter. C'est une boîte d'Amazon chez toi. Donc, ça a débuté récemment. Ça s'appelle... c'est un nouvel avantage de leur Prime Membership, là, d'être membre Prime sur Amazon, ce qui permet d'essayer des vêtements via Prime Wardrobe. Donc, le service est en bêta. C'est seulement pour ceux qui ont été invités par la compagnie pour l'instant. Via Prime Wardrobe, on peut commander des vêtements, des souliers, des accessoires sans payer rien dès le départ. Donc ça, c'est bon pour toi, rien payé au départ. Ensuite, tu reçois les vêtements, tu peux prendre 7 jours pour décider ce que tu veux garder et tu renvoies le reste gratuitement par la poste. T'as juste à payer pour les morceaux de vêtements que tu gardes. Ah! Tu comprends? J'ai entendu dire ça. C'est fort, hein? C'est très fort. Tu commandes, mettons, 10 affaires, peu importe, t'en gardes 5, tu renvoies le reste gratuitement, t'as pas à payer le shipping et tu payes seulement pour les 5 morceaux. C'est merveilleux. Et juste après, ce qui est contrairement à d'autres fois où des fois, bon, tu vas acheter le même morceau en 3 grandeurs différentes. Mon Dieu, tu fais ça? Non, mais il y en a qui font ça. Tu payes, tu sais, ça dépend du prix de la chose. Là, tu payes pour les 3, puis là, tu dois en renvoyer 2, c'est gratuit, sauf que là, tu viens quand même de. Faut que t'attendes avant de revoir ton argent. C'est compliqué. Bref, je trouve ça vraiment cool. Ça dépend donc la charge des articles que tu vas garder va dépendre des articles et de combien d'articles que tu as acheté. Par exemple, si tu décides de garder 3 ou 4 morceaux de ta commande, tu reçois 10% de rabais. Ah, oh, wow! Et si tu gardes 5 articles ou plus, tu as un rabais de 20%. Ça vaut vraiment la peine, je trouve. Bref, Amazon dit que sa Wardrobe Box vient dans une boîte recellable avec une étiquette prépayée à l'intérieur. On peut en ramener... Oui! Et on peut ramener ça chez n'importe quel UPS. Ou encore le faire venir le monsieur du UPS chez toi et ils prennent ça gratuitement. Tu peux faire venir un petit monsieur du UPS chez toi? Oui, pour qu'il vienne prendre ta boîte. Je savais pas. C'est le fun, hein? Tu peux pas y faire ce que tu veux. Amazon dit que son service Prime Wardrobe... Changerais-tu mon gland? C'est tellement ça que je pensais. Ben oui. Hein. 1 million de produits éligibles aux États-Unis, bien sûr, entre des marques comme Levi's, Calvin Klein, Hugo Boss et plusieurs autres. Donc voilà, ça s'appelle Prime Wardrobe aux États-Unis. Ensuite... ça, c'est spécial un petit peu. Tu sais, les œuvres de bienfaisance, là, les Saint-Vincent, Paul, artisans de la paix, peu importe. Ouais, ouais. Alors, aux États-Unis, on appelle ça Goodwill. Mm-hmm. Donc, Goodwill qui va devoir rembourser 97 000 $ à un couple qui l'avait donné son argent accidentellement. OK. Ouais. Donc, c'est des employés du magasin, peu importe lequel, qui disent des fois, ils disent des fois recevoir des dons en argent. Ça arrive, ils peuvent trouver un don de 50 $ de 100 $ dans les vêtements que les gens donnent. C'est soit un don, soit les gens n'ont pas vidé leur poche. Ouais, c'est ça, exact. Un des deux. Bref, ils ont découvert un gros sac de sport. Ils pensaient que c'était de la fausse argent, mais il y avait 97 000 $ et 4 dollars, pas cents, de très très réaliste argent. En fait, c'était de la vraie argent. Même si le boss pensait que non, l'employé en fait ouvert le sac, pensait que c'était une joke. Peut-être de l'argent de contrefaçon. Monopoly. Ouais, c'est ça. Éventuellement, ils ont réussi à connecter le donateur, peu importe, à l'argent pour lui. Donc, le couple était en train de déménager à ce moment-là. Ils avaient remplacé leur sac de choses à donner. Ah, c'est pareil comme dans un film. Oh mon Dieu! Des choses à donner dans un sac de sport et aussi de l'argent dans un sac de sport. Tu mélanges les deux. Tu sais, l'argent qui va payer ton hypothèque. Aïe, aïe. Bref, le mari disait qu'il est allé porter à la banque un grand montant d'argent qu'il s'est prévoyé. Bref, l'histoire est un petit peu compliquée. Là, il y a beaucoup trop de détails. Normalement, un gérant de Goodwill a dit que le magasin ramassait peut-être quelques centaines de dollars par mois en moyenne, rempli donc dans les poches, les sacoches des gens, peu importe. Le couple a accidentellement donné l'argent disant qu'ils avaient... Mais là, tu me fais peur à tout ce que j'ai peut-être pas enlevé de mes poches avant de le porter, avant de déménager. Tu vides tes poches de tes Kleenex avant de faire ton lavage parce que tu veux pas que ça gâche tes vêtements. Check donc si t'as de l'argent. genre, dedans. Oui, mais tu sais, je déménageais, je suis en train de faire des boîtes. Fait que là, automatiquement, j'ai pas nécessairement tout regardé. Mais je pense que j'ai pas donné de tant de pantalons que ça. Fait que je pense que... Mais bref, le couple, ils s'en sont bien sortis. Ils ont réussi finalement à reprendre leur argent à la station de police. Ils ont immédiatement déposé ça à la banque. Là. Donc, je vous saute le milieu de l'histoire. Là. Mais quand même, ça arrive, les gens qui donnent sans faire exprès de l'argent. Ensuite, ça m'arrive tout le temps. Ça t'arrive tout le temps. Ensuite, un cadenas pour vélo qui va en fait désactiver votre téléphone cellulaire quand vous vous promenez en vélo. Oh! T'as sûrement entendu parler peut-être que dans iOS 11, la prochaine version de ton logiciel pour ton iPhone, qu'il va y avoir un mode ne pas déranger en conduisant. Tu vas pouvoir l'activer quand, ouais, quand tu vas être au volant, il va y avoir un message automatiquement qui va t'envoyer aux gens pour dire je suis au volant. Hey, ça, c'est merveilleux, j'adore ça. C'est très fun. Il y a plusieurs États américains, entre autres, qui ont banni le fait de texter au volant. Mais texter au guidon, par contre, ça, c'est une autre chose. Hey, j'ai croisé ça l'autre jour. Croisé ça l'autre jour avec mon ami. Là, on s'est dit, attends, c'est-tu comme un texte au volant si tu textes en bicyclette? Moi, je trouve que oui. Et encore pire, les gens qui marchent, il y a des gens qui vont du P8, le stationnement P8, ouais, à l'université. C'est juste en marchant avec leur téléphone. Et ils ne regardent pas. Ils regardent pas où ils s'en vont. Ils ne regardent pas. Ils regardent pas. C'est plus gros qu'une boîte à pain. C'est comme nous, José, ils regardent pas. Mais bref, non, je suis d'accord avec toi que ça devrait être banni, ça aussi. C'est une compagnie de télécommunications hollandaise, KPN, qui développe le Smart Lock, qui va désactiver le réseau cellulaire de votre téléphone une fois que vous allez débarrer votre vélo en utilisant l'application. C'est en partenariat avec la Dutch Traffic Safety Association, donc l'association pour la sécurité routière hollandaise. Le Smart Lock cible bien sûr les enfants pour... Dès le départ, les éduquer que peut-être que ça devrait pas être ton sel quand t'es en vélo, en train de marcher, en char, peu importe. Prends l'autobus si tu veux texter. Oui. Bref, donc la navigation fonctionnera pas vu que t'es hors ligne, t'auras pas de réseau du tout. Va falloir que tu sauvegardes tes maps hors ligne si tu veux te promener. Y aura pas de Spotify à moins que tu télécharges ta musique, etc. Y a plein de facteurs. KPN dit que le Smart Lock va être disponible pour 100€ lorsque le développement sera complété. Et 100€ en dollars canadiens, ça nous donne un beau petit 145$. Ouais. C'est à peu près la moitié de plus. 50%. Ouais. Si tu utilises toujours ton vélo, je trouve que c'est une bonne idée. Une bonne idée, oui, absolument. Si t'es pas capable de contrôler toi-même. Hey, hein? Parce que moi, je marche tout le temps puis j'ai jamais mon sel dans les mains. Quand même. Tu sais, si j'ai besoin d'avoir mon sel, je m'arrête parce que je vois un char de police qui s'en vient puis je veux pas traverser la rue au mauvais moment, fait que je fais semblant d'être sur mon sel pendant que la police passe. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. T'sais. Ça m'arrive. Ouais. Après ça, il est parti puis j'ai traversé la rue n'importe où. Ensuite, une livraison surprise. Est-ce que j'ai le droit de dire ça en nombre, par contre? Ils vont peut-être m'arrêter. Hein? Ben non, ils savent pas t'es qui. Tu m'appelles David Ferron? Bienvenue à l'Obtrotter. Une livraison surprise de la compagnie Neiman Marcus. 40 000$ de sacoche que t'as pas commandé. Est-ce que t'aimerais recevoir 40 000$ de sacoche? Ça dépend de la sacoche. C'est too much. Avoue que tu saurais pas quoi faire avec 40 000 sacoches. Là. 40 000$ de Mais sacoche. Mais c'est parce que je suis vraiment piquée sur le choix de mes sacoches. Fait que si la sacoche... Elle est laide, puis elle vaut 40 000 piastres, je vais te la redonner pareil. Je ne la veux pas. Donc, imagine que tu reçois à ta maison une boîte que tu ne t'attendais pas à recevoir. Évidemment, c'est du Neiman Marcus, donc c'est des très, très chères sacoches. Il n'y en avait sûrement pas tant que ça là, pour 40 000 $ US. Bref, le gars à qui c'est arrivé, a décidé de retourner ces accessoires-là très, très chers à son magasin local Neiman Marcus, à la confusion totale des employés. Il a écrit sur Instagram que Neiman Marcus lui avait envoyé 39 168 $ US de marchandises. Il y avait même la facture dans la boîte. Mais oui! Il a ramené ça au magasin. Leurs employés le regardaient. Ils ont même donné l'adresse du magasin où il l'a acheté. Au 9700 Wilshire Boulevard à Beverly Hills. Le gars, premièrement, habite à Beverly Hills. Fait que c'est logique qu'il y ait des sacoches à 40 000 $. Exactement. Que ce soit abondant. Celui, il était peut-être pas surpris de recevoir quelque chose à 40 000 $. Ah, c'est ma commande de sacoche. C'est ça. Ouais. Donc, il l'a ramené et les gens le regardaient bizarre, mais ils ont fini par, j'imagine, accepter le dépôt. En fait, oui, c'est ça. Il y a eu une petite mise à jour en fin d'article de Neiman Marcus qui avait une explication par rapport à tout ça. L'erreur, on dit, attends un petit peu, oups, ça ouvre des fenêtres. Attention, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes très reconnaissants que M. Wang ait été aussi honnête et qu'il ait passé du temps à venir nous ramener ces articles-là. On sait que ça a été laissé chez lui pendant un processus de retour via un vendeur, une compagnie de distribution. Donc, j'imagine que la compagnie de distribution s'est trompée d'adresse pour renvoyer les sacoches au magasin et l'ont envoyé chez le monsieur à la place. Probablement. C'est pour ça qu'on a besoin de signature quand on livre quelque chose. Exactement. Hein? Voilà. Ensuite, parlons de collecte. T'sais, la dîme, quand tu vas à l'église, t'es-tu en train de voir si t'as un cil, tu croches? Je suis en train de regarder si j'ai un bouton. Wow! T'as pas besoin de le dire, hein, ça. Mais oui, mais là, tu vas poser la question. Oui, oui, je croyais que j'avais un cil sur la joue. Sur la joue, exactement. Donc, l'Église d'Angleterre fait que ça va être beaucoup plus facile pour toi de leur donner de l'argent. Tu sais, quand tu penses à un mariage ou à peu importe, là, quand est-ce que tu vas à l'Église à part un mariage, à Noël, peut-être? Noël, Pâques, ouais, la décès, fête des pères. Funérailles. Mm-hmm. Ouais. Bref, ils te demandent de l'argent et là, tu fais comme « Ah, oh, ben, j'ai rien dans les poches. » J'ai jamais de monnaie. J'ai jamais de monnaie, pas d'argent. Je paye du café à la place avec la monnaie. C'est ça. Donc, l'Église d'Angleterre va simplifier la tâche. Plus d'anonymité lorsque tu donnes de l'argent. Par contre, ils vont passer à un lecteur de cartes sans contact pour que tu puisses envoyer ton argent directement par PayPass. Malade, hein? Donc, à partir de cet été, 40 églises environ vont être équipées de terminaux, pareil comme un livreur de pizza, jusqu'à la valeur de 30 livres sterling. L'essai va tester donc l'aspect pratique de plusieurs méthodes, d'utiliser donc un lecteur de cartes comme option à côté de la collecte et installer des terminaux à l'arrière de l'église, sinon pas portatif, mais un peu comme un guichet où tu pourrais aller faire une collecte, en fait, un don, quand t'en as envie. Mais c'est une bonne idée. Oui, oui, pour eux. Et les gens qui pensent que ça va faire quelque chose, autre que juste beaucoup de cash? Ben, ça dépend. Parce que, tu sais, quand tu vas à l'église, là, il y a les hosties que tu reçois, il y a le prêtre qui est en avant, il y a souvent les deux petits-enfants qui vont aider à servir la messe. Sûrement la plupart des bénévoles. Oui, c'est sûr, ça, c'est des bénévoles, mais ça me surprendrait que le prêtre soit bénévole, hein? Sûrement, je sais pas. Puis il y a l'entretien aussi de l'église. C'est vrai. Pensez-y. Oui, pensez-y longtemps avant d'aller à l'église. Ah, t'es bien méchant. Je sais. Ensuite... Donne 2$, là, si tout le monde dans la salle donne 2$, là. Je suis qu'on vient de payer l'électricité de l'église. Probablement. On revient au magasinage un petit peu Target qui veut poursuivre derrière les suivre dans les pas d'Amazon avec leur Prime Pantry. Ils lancent de gros envois de boîtes d'aliments dans le Minnesota. Ils veulent encourager, pas nécessairement les aliments, mais des trucs de la maison. Là. Target qui veut encourager les gens de commander plus de choses en ligne, les choses qu'ils utilisent tous les jours, dans une seule boîte. Donc, c'est une boîte qui est à peu près de la grosseur d'un carrosse de Target. Tu sais, les gros carrosses de Target. Oui. Tu peux remplir ça d'articles qui sont non périssables et de trucs pour la maison. Donc, pas de la nourriture en tant que telle qui est périssable. Tu peux acheter des céréales, des cannes de bine, j'imagine, des trucs comme ça. Donc, on dit que le shipping va être plus rapide et moins cher qu'Amazon Prime Pantry aux États-Unis. La boîte est toujours d'une grandeur fixe. Les gens se font dire comment de place il reste. On parle pas de montant ou de poids. Je pense qu'on parle de poids aussi. Mais de place qui reste, le pourcentage, un peu comme une grille de Tetris, si on veut. Donc, ça, quand tu remplis ton panier, ça te dit, il te reste 40% de la place. Tu peux continuer, il te reste 30%, etc., etc. Et puis, tu peux magasiner, en fait, des articles par rapport à la dimension que ça prend. Le pourcentage de la boîte. Donc, tu peux cocher, mettons, je veux que ça prenne moins de 5% de ma boîte. OK. Pour pouvoir mettre plus d'affaires. Et là, tu vas avoir que des articles de moins de 5% de ta boîte. C'est très, très fort. Ouais, c'est pas mal bien. Vraiment fort. Et c'est ouvert aux gens qui ont la carte de Target, là, leur red card, là, comme on avait dans le temps ici. Les gens peuvent remplir leur grand... Avant qu'ils partent. Je m'ennuie. Je m'ennuie de Starbucks dans le Target. Moi aussi. Et du Target. Tu sais, un autre... Ils ont ouvert un Home Depot. Comme s'il n'y avait pas assez de magasins de rénovation en Mauricie. Ouais. Je dis sérieusement, là. Je suis triste. C'est Renault Dépôt, je pense, par contre. Ouais, Renault Dépôt, t'as bien raison. Mais c'est tout pareil! On avait Target. Ouais, un beau Target. Starbucks. Maintenant, on a une moitié de magasin, puis c'est du Renault Dépôt. Bref, peu importe. Santé, ma peine. Oui, elle est la mienne aussi. Donc, nourriture, trucs pour bébé, pour animaux de compagnie, et puis c'est shippé pour seulement 5$. C'est un flat rate, donc peu importe le poids, 5$. La version de Beta Restock, un site en ce moment. C'est seulement pour les États-Unis en ce moment. Sachez, en passant, j'ai déjà dit ça à l'émission par le passé, mais... sur le site de Target US, depuis qu'ils ont fermé Target Canada, tu peux aller sur le site de Target US et t'as un rabais pour venir compenser pour les frais de dédouanage et des trucs comme ça. Donc, allez voir sur le site de Target, c'est vraiment cool. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, donc les gens vont magasiner, vont avoir un 5% comme leur carte Red Card le permet, en utilisant le site de Restock. Bref. Pour revenir sur un article qu'on a mentionné la semaine passée. Oui, c'est ça, parce que là, je me disais, Mathieu, on en a discuté, t'as vraiment envie d'en discuter. Je veux en faire revenir dessus parce qu'il y a des détails de plus par rapport à l'objet sexuel de Pornhub dont on parlait la semaine passée, qui se connecte avec des objets sexuels. De réalité virtuelle. De réalité virtuelle. Donc, leur partenaire de lancement à Pornhub, qui est un site web de porno, de vidéos, inclut Fleshlight, ça, c'est des petits genres de faux vagins en plastique siliconé dans lesquels tu t'insères et que tu peux avoir des formes différentes que tu, ça te fait de l'effet, pardon. Oui. Bon. Bref. Ah, mais attends, là, petite parenthèse vraiment très, très courte. Là. Cette fin de semaine, j'ai rencontré le gars qui a créé Pornhub et qui l'a vendu par la suite. Oh oui, il doit faire du cash. Et après ça, il a créé Flight Hub. Flight Hub pour la Fleshlight? Non. Non. C'est pour des vols, comme un petit peu comme Expedia.ca et tout ça. Mais à la base, Pornhub, ça a été créé par lui. Puis par la suite, quand il s'est dit, c'est sûr, ça pogne, il l'a vendu, puis il a été créé Flight Hub. Ben, c'est un fin connaisseur de l'Internet, ce gars-là. Félicitations. Je sais pas ce qu'il faisait au Québec, là, mais bon. Ouais, c'est ça. On mérite beaucoup moins bien que lui. On le mérite pas. Écoute. We're not worthy. Bref, partenaire de lancement, c'est Fleshlight et Kiro. Il va y avoir une nouvelle catégorie sur le site web. C'est les détails que je voulais amener de plus. Là. Une catégorie sur le site web qui va contenir des vidéos qui vont pouvoir être synchronisées au jouet. Donc, dépendant de ce qui se passe dans la vidéo, le jouet va simuler l'action avec des pulsations. Ce qui va enlever donc la nécessité de faire toi-même le mouvement avec ta Fleshlight, là, avec ta main. C'est une genre de lampe de poche, la Fleshlight, qui est faite pour faire des affaires. Pour faire des choses. C'est ça. Là. Donc, tu n'auras plus besoin de le faire manuellement. Ça va fonctionner avec le plus récent appareil de Fleshlight. Qui ressemble à un wine cooler, nous dit-on. Ensuite, les vidéos interactives ne sont pas un nouveau concept, mais quand même de pouvoir avoir le mouvement fait automatiquement dans la machine. Donc, la machine ressemble un petit peu à, je dirais, un rouleau de printemps coupé en deux. Et le centre vidé. Un haut de rouge à lèvres. Vas-y avec ça. Si on veut. Et ta Fleshlight, qui est l'espèce de truc qui ressemble à une lampe de poche. Ça a vraiment trop l'air high-tech, en fait, pour avoir du plaisir avec. C'est gros, ça a l'air gros. Très, très gros. Pour vrai, le Fleshlight, là, c'est plus gros que tu penses. OK, parce que tu sais à quoi ça ressemble. Non, mais j'ai vu des vidéos. OK. Et bref, le Fleshlight monte et descend dans la machine. C'est quelque chose, mais pas vrai. Je veux pas savoir ce que t'écoutes le soir, Mathieu. Ah, tu veux pas savoir non plus, mais j'ai beaucoup de temps libre des fois. C'est quelque chose, Fleshlight. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, tu l'as pas acheté. Mais non. OK. Mais là. Ben, c'est parce qu'on pourrait avoir au moins savoir comment ça fonctionne. En long et en large, hein? C'est ça. Un jour peut-être. Faire l'essai de. Un test en onde. Ça fait pas de dégâts. Ça serait drôle. Ah, ça fait pas de dégâts? Ben, c'est ce qu'ils disent. Ah, OK. Achète-le. Ah, OK. C'est-tu bien dispendieux? Ah, là, par contre, je sais pas. On sait pas, hein? Est-ce que ça paraissait que j'avais pas checké? Est-ce que ça avait l'air vrai? Oui, je te jure que ça avait l'air vrai. On utilise de l'argent. Là, c'était auto-brûlure. Là, j'aime ça faire des brûlures. Auto-brûlure. Je l'ai fait chauffer avant. C'est ça. On utilise de l'argent contrefaite maintenant chez Victoria's Secret. Ah, d'accord. C'est vrai. Ce sont des fraudeurs, des crosseurs, mais pas pareil comme avec la Fleshlight. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, des crosseurs qui utilisent de l'argent contrefaçonné chez Victoria's Secret et qui après ça se fâchent. Parce qu'ils peuvent pas se faire rembourser. Leur argent, c'est-tu n'importe quoi? Donc, l'idée d'avoir de l'argent contrefait, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. La police de Fairfield au Connecticut dit qu'un couple de pas fins a récemment dépensé 780 $ US en argent contrefaçonné chez Victoria's Secret. Mais après ça, ils voulaient se faire rembourser les produits pour avoir de la vraie argent. Mais est-ce qu'eux, ils savaient que leur argent était contrefaçonné? Eux, en tant que tel, oui. OK. Donc, ces mêmes gens-là sont revenus au magasin le même jour. Ben oui. pour rembourser des articles qu'ils n'avaient pas vraiment payés avec de la vraie argent. Le problème, c'est que on dit ici que les billets que la caissière a redonné, parce que dans le fond, ils se sont fait rembourser avec le même argent qu'ils avaient donné, tu comprends? Ah, OK, ouais, donc, à place de les rembourser en argent, ils ont remboursé en la fausse argent. Avec leur argent, ouais, c'est ça qui est vraiment cool. Leur argent de contrefaçon. Voilà. Ensuite, le caissier a appelé la police et puis l'homme et la femme sont... c'est ça, ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Les deux sont partis ensuite en réalisant qu'ils avaient fait une gaffe, mais donc ils n'ont pas été arrêtés. Si je comprends bien l'article, ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont fait une gaffe. Petite gaffe. Gaffe. Hey, excusez-nous, on ne voulait pas contrefaçonner. C'est juste sa sortie comme ça de l'imprimante. Récoverso. Franchement. OK, là, je vois que ça fait vraiment longtemps qu'on est dans cette chronique-là. On va faire deux petits derniers. En fait, Bluetooth. Oui. Fidget spinners. Deux choses différentes d'habitude. Maintenant, on les a couplés ensemble, les fidget spinners. Bluetooth qui explose lorsqu'on les charge. Pareil comme les hoverboards dans le temps qui explosaient quand tu les branchais dans le mur. Donc, des articles faits en masse, en Chine probablement, explosent tout le temps, on dit Gizmodo. Donc, les fidget spinners avec Bluetooth qu'on utilise en branchant sur son téléphone pour jouer de la musique via le haut-parleur du fidget spinners. Ça a explosé en se faisant charger entre 30 et 45 minutes. Kimberly Adams de Gardendale en Alabama était en bas, au rez-de-chaussée de sa maison, quand elle a entendu son fils crier que son fidget spinner avait pris en feu. Il l'a lancé dans le lavabo. Essayer de l'éteindre avec de l'eau. Il était en flamme, son fidget spinner, et on peut voir les cendres dans le lavabo et des sections brûlées de leur tapis. Donc faites attention quand vous achetez un fidget spinner Bluetooth qu'il faut brancher dans le courant pour le faire charger, c'est ridicule. Mais j'imagine que ça synchronise avec ton téléphone pour savoir le nombre de tours que ça a fait pour prendre le record. Mais quand même. Quand même. Et pour terminer... Hey, achète juste pas de fidget spinner. Ben, tu sais... Ça a-tu pas l'air d'être complètement inutile? Et ridicule, oui, je suis d'accord. Peut-être pas ridicule. Je comprends qu'à un certain moment, ça peut faire concentrer certaines personnes qui sont tout le temps alertes ou peu importe. Sauf que si t'en as pas besoin, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est comme les Beyblade dans le temps. Beyblade, OK, let's move. Ça me fait vraiment penser à ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être. D'après moi, c'est la forme puis le fait que ça tourne. C'est ça, mais de toute façon, yeah, si tu veux utiliser un fidget spinner pour te déstresser, fine, mais t'as pas besoin de battre des records sur le nombre de tours que tu fais. Écoute du classique, là. OK? C'est ça. On prend une pause, on revient. Après ça, c'est Tania is gonna entertain you. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour, Assemblage Rocky pour la semaine du 10 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, avant de faire ta première chronique, ça va être laquelle pour commencer? Je crois qu'on va y aller avec un petit peu de musique. Cool, oui, pour se calmer un peu les nerfs. Tout à fait. Génial. On vient de parler de sexualité puis plein de choses. Pendant 40 minutes. De fidget spinner. C'est ça. Est-ce que t'es prête là pour ça, toi? Ben oui. Ben oui, allons-y. Parce que je m'en allais en musique, mais tant qu'à passer de la musique, aussi bien faire ta chronique tout de suite. Hey. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Est-ce que t'as de la musique aussi bonne que ça, t'as connu? Je crois pas non que la musique est aussi bonne que ça, non. Dommage, tu manques une chose. On va voir, on va voir. Tellement intéressant. Les premiers artistes, je pense que j'y allais avec un bloc de deux, puis par la suite un artiste seul. Vous allez voir, ça va bien se différencier, je l'espère, du moins. La première artiste que je vais vous présenter, en fait, elle est française, donc ça va être de la musique francophone. Et je crois que notre co-animateur et notre collègue de travail, David Ferron, va être fier de moi. On parle beaucoup de lui aujourd'hui. Oui, en effet, parce que en fait, c'est une fille qui a été découverte grâce à Eurovision. Ah, c'est son concours fétiche de chant international pan-européen. Eh bien oui, je vous parle de Alma, en fait. Elle s'appelle Alexandra Maquet. Donc, jeune fille de France. Elle est née en 88. Bon, je dis jeune fille, là, mais quand même. Hein? Elle commence à être vieille. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Puis, elle est auteure, compositrice, interprète, vous l'aurez deviné. Elle a été, en 2012, en fait, après le décès d'un ami d'enfance, elle a commencé à écrire puis à composer ses propres chansons. Et en 2013, Alexandra Maquet, qui n'était pas encore connue sous le nom de Alma, elle a intégré la troupe de chanteurs de l'émission musicale Les Chansons d'abord du côté de l'Europe. Donc, ça s'était présenté par Natacha Saint-Pierre, tu sais, la Québécoise qui est devenue France. Ça a été diffusé sur France 3 jusqu'en 2014. Puis par la suite, il y a un numéro qu'elle a fait avec Céline Dion qui a été vraiment vu par plusieurs personnes, qui a été comme « Ah, oh, wow, c'est merveilleux! » Et c'est un petit peu comme ça qu'elle a commencé à faire parler d'elle de plus en plus. Mais c'est bon pareil, c'est ça? Oui. Tout à fait. Justement, en septembre 2016, bien, elle a rencontré des managers qui envisageaient justement en secret sa participation au concours Eurovision en 2017. Et au début de l'année 2017, elle a proposé la chanson Requiem, qui a été écrite puis composée par quelqu'un d'autre. Donc, ça a été écrit puis composé par Nazim Khaled. Et elle a présenté ça au comité de la sélection française pour Eurovision. Elle est choisie et elle a été annoncée le 9 février par France 2. 2022 comme étant la représentante de la France. Et là, si j'ai bien compris dans tout ça, eh bien, elle a interprété la chanson Requiem en français, mais elle l'a ensuite enregistrée également dans une autre version qui contient quelques phrases en anglais. Donc, okay, on en a fait une espèce de traduction. Il y a des variantes aussi dans les paroles en français et on a fait des changements aussi dans la mélodie. Donc, on s'est un petit peu plus approprié la chanson pour nous-mêmes, exactement. Mm-hmm. Et il y a des images du clip qui ont été tournées à Paris pour les deux versions différentes. Et si j'ai bien compris, eh bien, c'est elle qui aurait gagné Eurovision 2017. Pour vrai? Mais là, je suis pas certaine. Puis, j'arrive pas à trouver l'information. Ben, si tu n'arrives pas à le trouver, ça doit pas être parce qu'elle a gagné, non? Sinon, ce serait comme gagnant d'Eurovision 2017. Mais sinon, elle a terminé dans les finalistes. Oui, bon, okay. Tu sais, elle est quand même près, là, près du top. Sommet, oui. Exactement. Puis, le 13 mai 2017, eh bien, elle a lancé son premier EP. Vous pouvez aller voir un petit peu partout sur YouTube ou encore sur Facebook. Vous allez retrouver plusieurs de ses chansons. C'est Salvador Sobral qui a gagné l'Eurovision 2017. Donc, c'est pas elle. Elle a terminé dans les finalistes, j'imagine. Si je comprends bien. Oui, tout à fait. Vous allez voir, c'est un style musical pop. Je vous dirais, c'est français pop, donc je peux pas vraiment dire indie pop parce que c'est pas trop le style musical qu'on décrirait du indie, par exemple. Mais c'est un de mes coups de cœur de la semaine. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur cet artiste-là. Je me promenais sur YouTube, je faisais des découvertes, je cherchais de la musique francophone que je connaissais pas, autre que Karim Ouellet et Alex Nevsky. Ouais. Et je suis vraiment tombée sur celle-là, puis le dernier artiste que je vais vous présenter un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous allez voir, c'est différent, mais c'est calme, mais avec une espèce de beat qui est quasi indie. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous donner votre propre opinion de tout ça, mais j'aime beaucoup cet artiste-là. J'ai écouté plusieurs de ses chansons et elles sont très différentes, mais j'adore les textes qu'on y apporte. Et tout à l'heure, tu faisais une nuance avec le vocabulaire français versus leur accent. Mais je pense que le vocabulaire français amène quelque chose de différent du vocabulaire québécois. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai apprécié comment elle chantait comment je pourrais dire, un petit peu la poésie dans tout ça. C'est différent que quelqu'un qui chanterait en québécois. Donc, vous avez, comme je disais, vous allez vous donner votre propre opinion tout à l'heure, mais ça va être très bon, ça s'en vient dans quelques instants. Puis le deuxième artiste que je vais vous présenter pour ce bloc musical de deux, c'est quelqu'un que peut-être vous avez déjà vu à l'écran, ici au Québec ou aussi en France, parce qu'il est franco-canadien. On parle de Alyosha Schneider, mais plus connu sous le nom de Alyosha pour son premier disque qui vient tout juste de sortir. Donc, c'est un acteur et aussi un auteur, compositeur, interprète, comme je le disais, franco-canadien. Il est très jeune, né en 93 à Paris, mais par la suite est venu ici au Canada. Donc, on l'a vu dans quelques films. On l'a vu, entre autres, dans Aurélie Laflamme, les films, en fait, d'Aurélie Laflamme. On a pu le voir aussi dans des émissions jeunesse à VRAC TV. Et là, dernièrement, on a décidé de se lancer un petit peu plus côté musical. En fait, il baigne dans tout ça depuis qu'il est jeune. On parle aussi des années 2012 où que ça a été vraiment un point marquant pour lui, surtout un point tournant parce qu'il avait 18 ans et c'est là qu'il a fait la rencontre de Jean Leloup. C'est un artiste qu'il admire beaucoup. Je vais vous avouer que personnellement, je retrouve pas nécessairement les tonalités qu'on pourrait retrouver de Jean Leloup, par exemple, dans ses chansons à lui et dans sa musique. Par contre, j'aime beaucoup le style que ça a. C'est quasiment blues. Okay. C'est en anglais, vous allez voir, il est franco-canadien, mais il chante en anglais et ça sonne très, très bien, je vous dirais. Donc, on a entendu les compositions d'Alyosha et Jean Leloup l'a pris sous son aile à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble et là, on vient de sortir le premier EP et le premier album. Et vous allez voir, c'est excellent. Et il continue quand même là, à faire du théâtre, à faire aussi de l'acting. Donc, vous pouvez quand même continuer à le voir à l'écran. Mais dans les oreilles, vous allez voir, c'est vraiment bon. En fait, ça sonne un petit peu comme un jeune homme qui a une vieille âme à l'intérieur de lui. C'est quelque chose de quand même très mélodieux, vous allez voir. C'est comme je vous le disais, c'est c'est quasiment blues, mais quasi folk rock. Okay. Ça fait ses preuves. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Ça fait le tour un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même posté une de ces pièces sur Internet un petit peu plus tôt cette semaine. Et il y a eu beaucoup de réactions. Mes amis, ils m'écrivaient « Ah oh, ouais, moi aussi, j'ai entendu. C'est vraiment bon. » Donc, je pense qu'on va commencer par Alma, puisque c'est français. On va écouter La chute est lente. Et par la suite, vous allez pouvoir entendre Alyosha. D'Antonia's gonna entertain à son âge. C'était presque rien, un petit point qu'on voit au loin, à peine dans la pénombre, comme un soleil qui sème des ombres. J'avoue, je l'ai pas vu venir. L'éclat de ton sourire dans son écrin, dans son écrin. Au début, c'était tellement beau. Tu viens, tu portes mes fardeaux. Je me sens plus légère, comme un prisonnier qu'on libère. À qui on redonne des printemps, à qui on vole ses hivers, et qui espère, j'aurais dû quoi passer mon chemin. Je suis réduite en cendres entre tes mains, toi t'appuies encore. Je ne dois pas en faire un drame. Il arrive qu'un élan du corps nous amène dans d'autres décors. Et ce n'est rien, non, ce n'est rien. Trying. something. Talk to me. I dream of something brighter, brighter than the sunlight. Before now the day is still alright. Take me, I am ready. I'm ready to live higher, higher than the dreams. Before now the night is still alright. Tell it strong. I don't feel your soul the way I used to feel it before. But I'm trying, yes I'm trying, swear I'm trying. I don't know what's going on, but I can tell it strong. I don't feel your soul the way I used to feel it before. But I'm trying, yes I'm trying, swear I'm trying. Milky Way d'Alyosha. C'est une pièce qu'on pourrait croire qui parle beaucoup d'amour, mais en fait, lorsqu'il a écrit cette chanson-là, il parlait à son frère qui venait de décéder. Mmh. Donc, lui-même dit qu'il n'a pas voulu être trop explicite dans ses paroles, parce qu'il y a quand même certaines pièces sur cet album-là qui parlent de son frère qui est décédé peu longtemps avant qu'il écrive les chansons. Et il dit que finalement, c'est bien parce qu'il y a des gens qui peuvent les prendre comme des chansons d'amour. Ah. C'est des sentiments qui se ressemblent souvent à un deuil d'amour et un deuil de séparation de couple. Donc, c'est un petit peu ce qu'il a voulu faire. C'est moins déprimant que les Sœurs Boulay qui écrivent vraiment leur vrai oui, c'est feeling ça. Dans la chanson. Exactement. Ça, c'est depressant. Puis, je vous disais aussi qu'on s'était associé avec Jean Leloup, mais comme on peut entendre, on n'entend pas nécessairement les tonalités de Jean Leloup, et je pense que c'est ce que j'apprécie quand même, mais on entend plus les références musicales qui lui ont inspiré cet album-là, c'est-à-dire le genre de Bob Dylan, John Lennon aussi. Ouais. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire dans les arrangements musicaux. C'est d'aller chercher ces références-là sans nécessairement trop vouloir ressembler à Jean Leloup, et j'adore ça. Oui, si c'était Jean Leloup qui prenait sous son aile un autre Jean Leloup, c'est un peu bizarre. C'est un peu plate. Ouais, ça enlèverait de la job. Puis avant ça, on a entendu Alma avec oui. La chute est lente. On a finalement trouvé qu'elle a terminé en 12e position. Sur 26 en finale, c'est quand même en finale, pas mal de monde. Bon. Elle n'a pas gagné Eurovision, mais elle s'est bien classée. En fait, c'est la première qui s'est classée très bien comme ça pour la France. Donc, félicitations. Oui. Et tu disais que c'était quand même bon pour quelqu'un qui avait travaillé avec Céline Dion. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y en a des gens qui travaillent avec Céline Dion et qui peuvent faire oui. Des bonnes affaires quand même. Mais ce que j'aime, c'est que ça ne ressemble pas non plus à du Céline Dion. C'est pas lyrique comme du Céline Dion. Et il y avait aussi quand même une espèce de tonalité quasi électro que j'ai appréciée. Ça faisait la bronze aux arrangements, exactement, aux arrangements musicaux. Donc, deux premiers coups de cœur pour moi aujourd'hui. Chapeau. Et on va terminer avec mon troisième coup de cœur qui est Vianney Bureau, ou vous pouvez aussi l'appeler Vianney parce qu'il est connu sous ce nom d'artiste-là. C'est un auteur-compositeur-interprète français, encore une fois. Il ressemble tellement à Ed Sheeran que je pense que c'est pour ça que j'ai adoré son style musical. Il est pas du tout roux, ni joufflu. Mais il est pas joufflu non plus. Voyons, mais son style musical, vous allez voir, je pense que ça joue un petit peu dans le Ed Sheeran. Côté tonalité, côté aussi mélodieux et texte. Vous allez voir, c'est des textes qui sont français quand même, mais c'est très, très beau. C'est drôle parce que je vais vous faire écouter une tune qui est quand même assez... je veux pas dire pop, mais joyeuse comparée à ce qu'on pourrait entendre chez Ed Sheeran. Mais imaginez-vous une toune très, très heureuse de Ed Sheeran, puis ça pourrait ressembler à ça côté francophone, OK? Donc, il a remporté le trophée d'artiste interprète de l'année aux Victoires de la musique en 2016, un an après avoir été nommé dans les révélations de Victoires de la musique en 2015. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sort du lot là, présentement en Europe. Et son premier album a été lancé en 2014. Il a été certifié disque platine et son deuxième album qui s'intitule Vianney en fait est sorti en 2016 et lui aussi a été certifié triple disque platine. Aye, aye. Donc on niaise pas de ce côté-là. Moi aussi j'ai sorti un album, il a été classé disque plate. Oh mon Dieu. Ouais. C'est lui qui a réalisé, qui a arrangé, qui a composé et qui est l'auteur de cet album-là. Wow! Donc, quand je vous disais Ed Sheeran, c'est un petit peu l'idée derrière lui. C'est que c'est un génie et qu'il fait tout par lui-même. Vous allez voir, c'est excellent. Et du côté carrière musicale, on a commencé en 2011 approximativement. C'est elle qui l'a, en fait, sa manager... l'a encouragé à dévoiler ses chansons au grand public. Il lui a fait rencontrer, par exemple, Antoine Essertier, qui est connu en Europe, le réalisateur qui est devenu le réalisateur de son premier album. Par la suite, on a travaillé avec d'autres artistes et à la faveur de plusieurs parutions de ses singles, en fait, parce qu'ils appartenaient peut-être pas nécessairement à un album en particulier. Eh bien là, on a décidé de lancer vraiment le deuxième album. C'est devenu très populaire. Si jamais vous allez voir sur YouTube, vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs de ces chansons qui sont écoutées à plusieurs milliers d'écoutes. Sauf que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va entendre ici. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le fait que ce ne soit pas du tout québécois. Probablement. C'est drôle parce que pourtant, à Énergie et tout ça, le style de radio très populaire, on peut entendre un de ses confrères qui est Amir, un gars qui roule beaucoup ici. Mais lui, quand même, on joue dans des styles qui semblent être quand même très populaires, mais qui jouent pas encore ici. Est-ce que ça nous donne une longueur d'avance de vous le faire découvrir sur nos ondes? Peut-être, je l'espère, je touche du bois. Tu touches souvent du bois aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir faire ça. Mais on dit aussi de son côté qu'il a une inspiration qui vient un petit peu de Israël. Pourquoi? C'est parce qu'il y a voyagé. Il y a plusieurs sons que vous allez peut-être pouvoir reconnaître dans ses chansons. Et il dit que ça a été un voyage qui a fait changer sa vision de comment il voyait les choses. Et c'est de là qu'il est parti pour écrire le deuxième album. Donc, on va entendre Vianney avec quelle pièce, Mathieu? Moi, aimez-toi. Exactement. Ah, c'est beau, hein? Assemblage requis dans ta nièce, Gunna Entertainment. La raison qu'Amir joue dans les autres radios, c'est qu'il y a de la sauce à l'ail dessus. C'est pas le... Non, Mathieu. Non. Non. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Yeah, yeah. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Oh yeah. coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Qu'est-ce que j'ai l'air d'être dans toi? Moi, aimez-toi de Vianney. Je vous le disais, il ressemble un petit peu à Ed Sheeran. Je pense que c'est vraiment le côté physique. Et dans ses chansons qui sont plus acoustiques aussi, vous allez pouvoir retrouver cette espèce de référence-là au texte, côté musical aussi, qu'on peut entendre chez Ed Sheeran, qu'on aime beaucoup aussi, et qui nous ont un petit peu fait tomber en amour avec Ed Sheeran. Ah. Donc, allez écouter Vianney. En plus, c'est dans notre langue, c'est francophone, c'est excellent. Il y en a plusieurs en passant. Ça, c'est une de ses très bonnes qui s'appelle « Moi, aimez-toi ». Super, merci Tania. Fait plaisir. Un bon petit bloc musical, ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu de découverte musicale de ta part, donc voilà. T'as une deuxième chronique qui s'en vient tantôt. On va parler de... D'emploi d'été. D'emploi d'été, c'est vrai. Ok, oui. Mais avant ça, on va faire Après le crime dans quelques instants à Assemblage requis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour la semaine du 10 juillet 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, que oui, tout l'été, on est décalé et pas à l'heure dans nos blocs. Que voulez-vous, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. On fait des blocs inégaux. Fait qu'on peut pas dire bienvenue dans la deuxième heure. C'est comme la deuxième heure et quart. Mais bref, c'est toujours l'émission estivale en pièces détachées où on a tout plein de plaisir à se lancer la balle, Tania et moi, sur nos thématiques. Et maintenant, ben, comme on le fait toujours, on parle de gens qui font les choses pas correctes. On voici Après le crime. Ouh. Après le crime, oui, la chronique des gens qui commettent des crimes, bien sûr, et qui vont devoir payer le prix éventuellement. Commençons par une histoire qui inclut notre mot préféré dans cette chronique-là, c'est le mot Dieu. Parce qu'on a des crimes au Dieu, des crimes à Dieu, et des crimes de Dieu, et des crimes pour Dieu, des fois. Donc, il y a 2 ans. Crimes par Dieu aussi. Ça arrive. C'est un homme de 24 ans, Derek Seretsky, il y a 2 ans, qui était accusé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 2 de ses victimes présumées, entre autres, sont Terry Blanchett et sa fille de 2 ans, Hayley Dunbar Blanchett. Donc, le procès a lieu présentement à Lethbridge, en Alberta, et le jury entend des cassettes, des vidéos ou des audios, peu importe, de Seretsky et son entrevue à la police pas trop longtemps après avoir été arrêté. Selon lui, il ne faisait que suivre les ordres de Dieu, bien sûr. Ben oui, sûr, évidemment. C'est de ça qu'on parlait. Et Dieu, apparemment, n'a pas une très bonne mémoire. Donc, ça dit, ici dans l'article, God did it, Dieu l'a fait. Mm-hmm. Dieu fonctionne de façon mystérieuse des fois, ben a-t-il oui. dit. En effet. Je ne crois pas que Dieu ferait disparaître simplement une fille de 2 ans, a-t-il dit à l'officier. Parlant aux officiers de police dans la voiture de police sur le chemin vers le poste de police, peu importe, Sebetsky s'est fait encore demander où était le corps de Haley et le gars de répondre « Je ne sais pas où Dieu l'a mis. » Ah mon Dieu! Tu sais, quand tu dis « Dieu m'a fait faire un crime », ok, t'es peut-être un petit peu mentalement dérangé, mais là, que Dieu l'a caché à un endroit que tu ne connais pas, là, ça ambitionne peut-être un petit peu. Plus tard, il a finalement réussi à amener les officiers jusqu'à, évidemment, mais le corps de la fille. Mais c'est comme la première fois qu'il ne dit pas que c'est Dieu qui lui a demandé, mais bien Dieu qui l'a fait lui-même. C'est ça la petite différence, la twist que je trouve vraiment bizarre. C'est mais bref, étrange, hein? Il a amené... On va mettre le psychiatre là-dessus. Plusieurs, je pense. Doc Mayou, il va s'en aller là-dessus. Ah, mon Dieu. Donc, finalement, elle était près d'un feu de camp, le corps de la jeune fille. Il a plaidé non coupable aux 3 meurtres, disant par contre... En fait, la police dit par contre qu'avec les confessions vidéo qu'ils ont, ils vont pouvoir quand même fonctionner avec ça. Sebetsky a été amené en prison après la conversation. Il a eu une seule demande. Qu'est-ce que tu penses qu'il a demandé à avoir dans sa... Une Bible. C'est vrai? Une Bible. Oh my God. Ensuite, la police attrape un suspect qui a essayé de mettre $1 million. Attends un petit peu. Dans des de mettre des bonbons. Ouais. Remplis de méthamphétamine. Mais non. $1 million de ça dans une voiture. Mais non, tu peux pas faire ça. Ouais, donc c'est la police de Houston qui s'est montrée, présentée pour enquêter sur un vol dans une maison. Et puis, ils ne s'attendaient pas à trouver deux personnes qui essaient de quitter la scène dans une voiture remplie de 600 livres de suçons remplis de méthamphétamine. C'est terrible. Selon le bureau du shérif de Harris County, les officiers répondaient à un appel d'un voisin qui avait... parce qu'il pensait avoir vu un vol dans une maison. Ils ont découvert ensuite que l'homme et la femme prenaient des bonbons de méthamphétamine dans cette maison-là et les amenaient dans une voiture. Donc, c'était leur propre, j'imagine, leur propre maison. J'imagine, je ne fais que deviner dans ce cas-ci. Mais bref, la valeur de méthamphétamine était d'environ $1 million. Il disait que c'était donc la police ici. Mm-hmm. Dit que c'était évident qu'ils fabriquaient ça dans leur propre cuisine. Ben oui, franchement. Que l'homme, ouais. ça dit par contre, attends un petit peu. Mais que l'homme et la femme n'avaient pas de lien avec la création de ces suçons-là, est-ce que c'est ça? Ok, ils faisaient simplement louer l'endroit. Ben probablement, ou la police en fait croit que la femme avait déjà resté dans cette maison-là et que le couple essayait de voler le dealer de drogue qui vit là maintenant. Ça se peut. Ben oui. Imagine. Des choses qui arrivent. Ça arrive, on sait pas trop. Ensuite, on dit que la police disait que le design des suçons était moulé en fait en personnages de Star Wars et en papillons, ce qui nous dit que les produits étaient supposément destinés aux enfants. Oh my God. Wow. Incroyable. Ensuite... ça a pas de bon sens. Ouais. Ensuite, on dit que on revient à Dieu. Encore? Un petit peu, ouais. S'il nous manquait des informations sur Dieu, lui qui commet beaucoup de crimes quand même, donc faut quand même en parler. Mm-hmm. Alors, c'est une fille de 4 ans qui aurait été attachée donc avec du papier collant rouge par une personne qui travaillait dans une garderie au centre d'apprentissage Zion Lutheran Learning Center. C'est un programme centré sur Jésus, évidemment, pour les enfants qui sont avant la maternelle, alors qu'elle avait refusé d'aller se coucher pour faire une sieste. Donc, elle avait été attachée par du ruban adhésif rouge. Selon le Riverfront Times, la fille qui est identifiée sous le nom de E.D. A dit à sa mère que Monsieur Josh, c'est le nom du gardien de la garderie, elle avait attaché dans le centre de Valley Park dans le Missouri. Zion Lutheran a plus tard admis que l'histoire était vraie, Zion Lutheran étant le nom de la place. L'homme a été identifié sous le nom de Josh Reeves. Reeves n'a pas été discipliné pour ses actions. Ah non? Non, le superviseur auquel le couple a parlé a ri de ça et a dit que c'était juste quelque chose de niaiseux, une petite niaiserie comme ça. Ben oui. Il a suggéré que Reeves devrait prendre un autre cours pour le training, si on veut, pour l'éduquer sur quoi faire dans ces cas-là. Mais il n'y a pas eu de réprimande du tout. C'est vrai? Ouais. La famille de la fille poursuit l'église et son supposé programme de garderie. J'espère. Disant, bon, bien sûr qu'il y a eu une église. Négligence, violence, supervision négligente, etc. Mais le père Joseph D. dit qu'il ne... Le père de la fille, oui, Joseph D. Dit qu'il ne prévoyait pas au départ poursuivre. La famille ensuite l'a convaincu de poursuivre. Voilà. OK. En fait, ils voulaient au départ donner une opportunité au centre de réparer la situation, mais comme ils l'ont Comment est-ce que tu veux réparer la situation? Ben, comme on dit dans la Bible, hein, Dieu pardonne tout, là. Ben oui. Même si peu importe ce que tu fais, t'sais. Fait que j'imagine que sa bonne volonté chrétienne voulait laisser une chance à l'Église, mais comme ça n'a pas eu lieu, là, ils ont décidé de poursuivre. C'est seulement après avoir poussé vraiment longtemps qu'ils ont pu avoir, j'imagine, des excuses, probablement, ça ne dit pas dans l'article, mais bon. Il y a beaucoup d'autres détails dans l'article que je saute. Allez voir sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, on reste chez les enfants. Un homme a été arrêté après avoir fait pendre un enfant par sa fenêtre et demander des likes sur Facebook. Quoi? Ce homme en Algérie, oui, qui a reçu sa sentence récemment, 2 ans en prison après avoir posté des photos de ce qui a l'air étrangement d'être son bébé pris par le gilet sur le bord de la bâtisse, sur le bord de la fenêtre. Et le commentaire sous la photo disait « 1000 likes ou je le lâche ». Ouais, l'homme a... Tu sais, ce qu'on sait pas, c'est que peut-être qu'il était sur le balcon et que le petit n'est même pas au-dessus. Tu sais, l'angle de la caméra fait en sorte qu'on voit que... Mais c'est complètement stupide. Ça reste stupide, mais ça se peut très bien, même que je dirais que c'est probablement... J'espère que c'est ça qu'il a fait et qu'il l'a pas fait au-dessus, là. T'as vu les photos sur Internet, là, des gens qui se pendent après un rocher, oui, là. C'est un faux rocher. C'est un faux, parce que le rocher, en tant que tel, c'est, si tu prends l'angle exactement correctement de la montagne, ça a l'air d'être... Exactement. Mais en dessous, t'es protégé quand même. Donc, c'est peut-être la même chose. La fenêtre était quand même au 15e étage, donc balcon par balcon, de le tenir par le chandail. Je sais pas si c'est une bonne idée, ton chandail, dépendant d'où tu l'as acheté, il pourrait peut-être déjà... Target. Hey, on parle pas contre mon Target. Voilà. Mais non. donc, je ferais jamais ça. Ça dit que l'homme est dans la... est relié donc dans la famille de l'enfant. Ça dit pas que c'est son père sur la BBC. C'est son parrain. Peut-être. Et donc, je pense que l'homme disait que les photos avaient été altérées numériquement, donc avec Photoshop, si on veut, pour faire que l'enfant ait l'air d'être en danger. La photo a été prise sur un balcon avec des barrières protectrices, dit-il. Mais quand même, tu le fais pas. Qui ont été enlevés par Photoshop, c'est ça. Le père du bébé a demandé à la cour de pardonner l'homme, qui est dans la même famille que le bébé, on s'entend, mais le juge a ignoré ça, donc il lui a quand même, forcé à aller en prison, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le bébé dans la photo n'a pas été blessé, au moins c'est une bonne nouvelle quand même. Une chance. Mais l'homme va quand même en prison, comme on l'a dit, 2 ans. Un homme en Algérie. Mais oui, parce que tu le fais pareil. C'est ça, que ça ait l'air vrai ou non, et que ce soit vrai ou non. T'as voulu des likes pour ça. Ridicule. Ensuite, un policier déguisé en Batman empêche quelqu'un de voler chez Walmart. Il voulait voler une copie du film Lego Batman Movie. Ça se passe dans le Texas. Donc, alors qu'il n'était pas au travail, donc off-duty, comme on l'appelle, cet homme-là, ce wannabe super-héros, là, s'habille en personnage comme Batman, Iron Man, l'incroyable Hulk. Il visite des hôpitaux pour enfants. Oui, j'ai entendu parler de lui en tant que visiteur pour les enfants atteints du cancer. C'est sympathique. Comme. C'est vraiment nice. Ouais. Bref, il visitait un événement sur la sécurité dans un magasin Walmart. C'est quand même drôle. Ouais, il a réussi à arrêter un vrai crime. C'est pas un gros crime quand même. Donc, le client a été accusé d'avoir quitté le magasin avec 4 DVD sur sa personne. Le monsieur s'est présenté en tant que Batman. L'alarme s'est déclenchée, dit-on au Houston Chronicle. La personne qui était à l'accueil chez Walmart a essayé d'arrêter le monsieur, mais le monsieur est sorti quand même. Donc, les procédures de prévention des vols chez Walmart présument que... Ouais, c'est à peu près ça. Bref, finalement, le Batman est arrivé puis il a sauvé la partie. Hein? Comme on dit. Ben, voilà. Batman est toujours là. Batman est toujours là. C'est bien dit, ça. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça pour cette nouvelle-là. Ensuite, j'essaie toujours de trouver des détails de plus qui pourraient être intéressants à la fin de l'article, mais des fois, il n'y en a pas. Ensuite, un autre vol dans un Target... ouais, donc ça se passe en Caroline du Nord. Très épeurant comme histoire. C'est ABC 11 qui nous dit que le suspect a cogné à la porte d'une maison vers 7h du matin pour demander de l'argent. Un des résidents lui a donné de l'argent, mais l'homme, présumément, lui aurait montré son fusil, aurait demandé aux parents et leurs 2 enfants de monter dans la voiture. Il est accusé d'avoir forcé l'homme d'aller à un guichet automatique et retirer de l'argent. Ensuite, un dépanneur, avant de l'amener chez Target, de lui demander d'aller chez Target, finalement. Une fois arrivé là-bas, il aurait présumément forcé victime à entrer dans le magasin avec lui et acheter un paquet de cartes cadeaux et des vêtements. Une des victimes a réussi à alerter un des employés du magasin qui a appelé le 911. Vous savez, tu sais, des fois, une situation d'urgence, il faut t'appeler le 911. Donc, les officiers de police qui étaient dans le stationnement du magasin, par inadvertance, par hasard total, sont arrivés. Ils ont arrêté le suspect sans aucun incident. Tout s'arrange bien à la fin, mais quand même, grosse histoire épeurante. Tu te fais cogner chez vous à 7h du matin, aller au guichet, dépanneur, Target, acheter des cartes cadeaux. Une méchante aventure, là. Tant qu'à ça, le voleur va directement au magasin ouais, demander de l'argent. Ouais, c'est ça, pourquoi ça te tentait pas, tu sais? Je comprends pas ça, mais j'imagine que c'est plus subtil, puis que peut-être que si les gens ont trop peur, ils vont pas justement dire aux employés d'appeler le 911. C'est stupide. Accusé donc de plusieurs chefs d'accusation, dont kidnapping au deuxième degré et vol avec une arme dangereuse. Dans cet incident-là, voilà, a aussi été accusé d'avoir commis d'autres méfaits. Ensuite, des gens qui volent des trucs dans des magasins. On est rendu encore là dans ce sujet-là, mais on dit que ça a augmenté beaucoup le nombre de vols dans des magasins. On dépense de moins en moins d'argent sur la prévention des vols dans les magasins et c'est peut-être pas une si bonne idée. En 2016, donc, l'inventaire qui est introuvable, donc pour peu importe la raison, que ce soit brisé en magasin, non, ça, j'imagine que ça doit être dans une autre colonne, mais surtout des vols, a augmenté à 1,44% des vols, des ventes, pardon, ce qui fait un total de 48,9 milliards de dollars de vols. Où est-ce que ça s'en va tout ça? Selon le National Retail Security Survey d'un groupe qui s'appelle The National Retail Federation, la plus grande part de cette marchandise est prise par les voleurs, bien sûr, que ce soit des petits voleurs ou des rings de crime organisé qui s'organisent pour voler des grandes quantités d'objets qui vont ensuite vendre. Presque 7% de ce 1,44%, là, on divise en pourcentage après ça. Finalement, c'est des trucs qu'on ne sait pas où ça s'en va. On sait juste pas où ça s'en va, ces 7%-là. Donc, on dit qu'en gros, le shoplifting, donc le vol à l'étalage et le crime organisé, ça donne 36,5% de ce 1,44%-là. Ensuite, vol par des employés, vol à l'interne, c'est 30%. Pas vrai? Oui. Erreur administrative ou erreur de paperasse, 21,3%. Mauvaise mathématique. Fraude du vendeur ou du distributeur de produits ou erreur en général, ça fait 5,4%. Et perte inconnue, 6,8%. Donc, on avait arrondi à 7 tantôt. C'est quelque chose. Le sondage, donc, estime que la... que le montant... Attends un petit peu. Le sondage a aussi demandé, par rapport, oui, aux fraudes de retour, là, quand tu... Ah ouais. Un petit peu comme tantôt de la fausse argent, que tu vas te faire rembourser... Que tu t'achètes des affaires, puis tu te fais rembourser ça pour avoir de la vraie argent. Bref, en moyenne, ça dit 1 766,27$. On dit que la compagnie garde une... La compagnie The Retail Equation garde une base de données, oui, des gens qui retournent des achats exclusivement en faisant scanner, donc, le permis de conduire des gens. Est-ce que c'est ça? Ouais, Ben, ça me semble être ça. Ouais, ça me semble être ça aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on a à savoir là-dessus. Ensuite, quelqu'un ce qu'on appelle un debt collector, donc quelqu'un qui va s'assurer. Collecteur de dette. Collecteur de dette, qui va s'assurer que tu paies tes dettes. Ouais. Donc, il est accusé d'avoir pris de l'argent des gens qui ne leur devaient pas d'argent. Non! Oui, donc c'est le FTC qui a fait une plainte accusant ACDI Group LLC et Solutions to Portfolios LLC, ainsi que leur opérateur Anthony Swartzworth, d'avoir ramassé de l'argent des gens qui, même après que les dettes aient été déterminées comme étant fausses. Donc selon la plainte, en juillet 2014, ACDI a acheté un portfolio comment t'appelles ça? Des prêts comptes à payer, tu sais, quand ouais. Les payday loans, ce qu'on appelle. Les comptes à payer. Non, c'est quand tu vas faire un prêt à une place jusqu'à temps que tu aies à payer pour pouvoir rembourser cette Ah, OK, cette, non, je connais pas. Payday loans, bref, c'est comme ça. Donc, en tout, le portfolio contenait 2335 dossiers de dettes qui étaient dus par la compagnie 500 Fast Cash. L'information contenue dans ces dossiers incluait le nom des personnes, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, le montant dû et les informations de la banque. Immédiatement après avoir acheté ces dettes-là, selon le FTC, ACDI a commencé à contacter les emprunteurs pour ramasser les dettes. Par contre, dans plusieurs cas, c'est que les personnes qui ont été contactées par la compagnie ont manifesté le fait qu'ils ne devaient plus d'argent. Ah, okay. Ils ont réussi à fournir des preuves qu'ils n'avaient jamais autorisé un prêt de la compagnie 500 Fast Cash. Donc, j'imagine que c'est comme une crosse pour essayer d'avoir l'air d'avoir des dettes. Donc, c'est ça. On dit que... Mon Dieu, je vais faire attention. Faites attention à ça, les prêts. Ben, je pense que c'est plus aux États-Unis qu'on a ouais, probablement. Je pense pas qu'on a ceci. On sait jamais, Mathieu, on sait jamais. On ne sait jamais. Ensuite, un conducteur qui ignore les mesures de sécurité et sa minivan se fait prendre dans un espace entre le pont et le sol. Oui, donc c'est oui, selon le département des pompiers de Green Bay, l'homme a réussi à passer... par-dessus la clôture du pont. Donc, résultat, sa vanne a été pris entre les deux. Donc, ils ont dû faire un trou dans le toit de la vanne et passer une échelle par là pour pouvoir faire grimper la personne. Ni le pont, ni l'homme ont été trop blessés là-dedans. Donc, c'est sûr que sa vanne aurait pu tomber en bas du pont. Il y avait 40 à 50 pieds entre le pont et le sol. Quand même. Donc, une situation très dangereuse, non seulement pour le chauffeur, mais aussi pour le personnel de sauvetage. Et puis on enquête maintenant sur comment ça a pu se passer, notant que l'homme avait pourtant n'avait pas de permis de conduite valide. Ah, oh, voilà. Ben oui, félicitations. Félicitations, monsieur. Ensuite, ah, celui-là, c'est un de mes articles préférés, je pense. C'est une femme bouddhiste de 80 ans qui a forcé l'évacuation de 150 passagers dans un vol de Shanghai lorsqu'elle a lancé une poignée de pièces de 1 cent dans le moteur de l'avion, priant pour la sécurité des passagers, surtout la sienne, j'imagine. Lancer des pièces pour la chance, c'est commun chez les bouddhistes. C'est souvent dans les temples, près des statues, des petits cours d'eau, des puits, etc., etc. Ouais. Donc, une pièce de monnaie qui valait 1,7 won, 25 cents environ, a frappé le moteur. Ça a fait que le vol a dû être remis à plus tard pendant plusieurs heures. La femme a été identifiée sous le nom de Q. Et elle a été questionnée par la police. Elle dit qu'elle a lancé ces pièces de monnaie-là pour la sécurité. Elle croit donc au bouddhisme. C'est... Sabotage financier ici, je sais pas. Ben voyons donc. Hey, ouais. Elle aussi, là, elle a retardé son vol. Qu'est-ce que tu fais? Problème mental encore, je pense. Oh, man. Ouais. Donc, le capitaine dit que le métal, s'il était aspiré par le moteur, aurait pu causer des dommages très sérieux, dont un accident qui aurait pu arriver en route. Les passagers, donc, qui doivent suivre les règles, et je pense qu'ici, ça n'a pas été le cas, hein? Ensuite, une femme qui aurait presque tué sa fille pendant un exorcisme. Ben voyons non. Ouais, donc des procédures criminelles qui ont été suspendues dans le cas contre Kimberly Felder, une femme de la Californie, qui a mis sa fille de 11 ans à nu avant de l'étrangler et de presque la tuer pendant ce qu'elle disait être un exorcisme. Le juge Christopher Wilson aurait mis le cas en suspens après que l'avocat de Felder a exprimé du doute par rapport à sa compétence mentale à la mère. Donc le juge a aussi choisi un psychologue clinique pour évaluer la défense et déterminer si cette personne peut comprendre les accusations qui pèsent contre elle. Elle est présentement sous caution à 600 000 $ en tout cas en date de l'article. Drôle de comportement dans la cour, nous dit-on. Le matin, Ferdinand est arrivé en cour en portant des bas mais pas de souliers. Et elle a quitté la cour, elle a pilé sur la chaîne qui était autour de ses chevilles. Ça lui a fait mal à l'orteil, elle a crié « Mon orteil, ouch, ouch ». La personne marchait en bas, pas de souliers, ouais. Pilait sur sa chaîne. Donc, tu sais, mentalement, je sais pas. Ouais. Mais on dit que l'enfant est en sécurité présente. Bon, tant mieux. Il y a plein d'autres détails, encore une fois, sur l'article. Allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, on parle encore de fausse argent. On va chez Victoria's Secret. Non, en fait, celui-là, c'est celui que j'ai fait tantôt, je m'excuse. Ensuite, quelqu'un... je vais faire... je suis en train de me demander lesquels que je fais pour terminer. Je m'excuse. Je vais aller avec celui-là, tiens. Un employé d'un dépanneur qui met à la honte complètement un wannabe voleur que ce voleur s'excuse. Donc, une conscience, des fois, ça peut arriver. C'est la police de Horry County qui a répondu à un appel du magasin le 18 juin dernier. Un homme est entré et a demandé de l'argent, bien sûr, avec un couteau à la main. Mais la personne qui était employée du dépanneur, la police dit qu'il était absolument pas stressé, qu'il avait l'air tout à fait normal, a refusé de lui donner son argent. À la place, il a demandé au suspect de quitter le magasin. Donc, le voleur qui s'est fait dire ça, s'est excusé au caissier et puis a serré son couteau. La police demande maintenant l'aide du public pour trouver le suspect. On décrit comme un homme, début trentaine, 5 pieds 9, 130 livres. Je pense que c'est décrit comme 50% de la population masculine. Donc, il conduisait ou était le passager d'une voiture Chevrolet Suburban. Je ne sais pas si c'est un camion ou une voiture. Un camion. Voilà. Vous pouvez contacter, si vous le voyez, le Horry County Police Department. La description est tellement générique, ça n'a aucun sens. Mais donc, le caissier a refusé, puis le gars dit « Ah, je m'excuse, bon, c'est quand que je m'en vais. » C'est beau. Pas de trouble. La police s'en vient. Bye! Bye! Franchement! ensuite, on va en Caroline du Nord où les femmes ne peuvent pas retirer leur consentement une fois qu'ils ont accepté d'avoir des relations sexuelles. Donc, un homme qui viole une femme ne peut pas être coupable de viol si elle a précédemment accepté d'avoir des relations avec lui. Si elle lui demande d'arrêter par la suite, c'est pas un viol parce qu'elle a dit oui dès le départ. Tu comprends? Ben, je peux pas dire ça. Non! Mais ça, c'est d'autres quelqu'un d'autre, je sais pas. Non, je trouve que c'est quand même logique. Tu peux lui demander d'arrêter. Mais si le gars continue, sérieusement, c'est le gars le coupable. La fille peut pas dire. Le gars peut pas dire tu m'as dit oui au début. Si le gars, mettons, il commence à être violent puis que tu veux plus faire. C'est différent. Mais la faute va sur le gars pareil. Oui, ok. Répète comment c'est dit, la loi. OK, je recommence. Un homme qui viole une femme ne peut pas être trouvé coupable de viol en Caroline du Nord si la fille a précédemment dit que oui, elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Mais le comportement du gars peut changer. Il peut devenir une espèce de moron, puis tu peux changer d'idée de dire « Ah, finalement, je vais plus coucher avec ce gars-là. » Ouais. Non? Oui. Hey, c'est moi qui est plus féministe de nous deux. Non, non, non, je suis d'accord. OK, parfait. Donc, c'est une échappatoire légale en Caroline du Nord. Je pensais que c'était une différente twist. Ah, non, explique-nous la twist que tu trouverais correcte, voir. Mais, ouais, non, il n'y a pas vraiment grand twist, bon, finalement. Je suis d'accord avec toi. Ah, donc, c'est ce que je comprends, mettons, l'effet yo-yo que tu peux avoir dans une relation sexuelle, ouais, même pour le gars. Ouais, non, c'est ça. Qu'on oui. on fait tellement de la victimisation avec les femmes, oui, puis on pense jamais vraiment au gars là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Il y a mais des filles il y a quand même un yo-yo qui se passe du côté masculin aussi. Là. Absolument. Il y a une zone grise. C'est ça, il y a vraiment une zone grise. Là. Ouais. T'sais, oui, tu peux refuser, mais pourquoi t'as dit oui avant? Ça peut être n'importe. La fille peut tomber fatiguée, mal la tête, puis dire finalement non, je vais plus, puis là, le gars peut pas juste. Je comprends que tu peux pas forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec toi. Sauf que je pense que les filles se foutent un petit peu trop maintenant de comment un gars peut se sentir aussi en se faisant mettre blue balls rapidement de même. Ouais, peut-être un petit peu. Ouais. C'est pas parce que tu veux pas des relations. Je veux pas dire que t'es obligé d'assouvir les soupirs sexuels non, du gars qui est à côté de toi. Sauf que. Je comprends. Il y en a qui sont agaces un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut-tu assumer le fait que des fois, on a le bras large en oui, tant que femme? Puis je pense sérieusement, puis peut-être que là-dessus, je vais peut-être froisser quelques personnes, mais oui, des fois, on peut dire qu'une fille est agace. Ben oui, parce que c'est rendu qu'on n'a plus le droit de dire ces choses-là. C'est ça. Mais ça se peut qu'une fille soit comme. Juste parce qu'elle décide de dire oui, elle décide de dire non. Finalement, OK, c'est beau, ça me tente. Ah, puis finalement, ça me tente plus. C'est de faire juste, tu sais, aller la carotte devant le gars, juste pour le voir comment le gars va se sentir. Tu sais, c'est parce que lui ici, là, il doit capoter. Ouais. Égalité. Oui, c'est ça. Et responsabilité. Et respect. Et respect. Respect. Bien dit. Si t'apprécies la personne, qu'est-ce que tu fais à jouer au yo-yo avec? Hey, on a commencé avec un débat, puis on s'entend à la fin. C'est beau, ça. Oui. On se croirait à Génial Liberté. Mais c'est ce qu'on pense vraiment de la même façon, Mathieu. Oui, tout à fait d'accord. Donc, on revient à notre histoire de... et là, je remets en contexte pour ceux qui viennent d'arriver. En Caroline du Nord, un homme qui viole une femme peut pas être trouvé coupable de viol si elle avait dit oui au départ. Ça vient exactement d'une échappatoire qui vient de 1979. C'est une décision de la Cour suprême de Caroline du Nord dans State versus Owe. Mais ça commencé à prendre de l'ampleur dans les médias depuis les derniers jours, en partie parce que les grands décideurs ont amené le projet de loi du Sénat numéro 553 qui redonnerait aux femmes le droit de changer d'idée après avoir donné son consentement. Okay. Donc le sénateur de l'État, Jeff Jackson, qui commandite, si on veut, ce projet de loi SB 553, a dit qu'il n'a pas rencontré une seule personne qui pense que cette loi archaïque est toujours appropriée en 2017. Il dit que ce projet de loi-là fait simplement ramener les choses à la normale et que les femmes... Ou les hommes, en fait, ici ça précise seulement les femmes, mais peuvent donner ou retirer leur consentement à n'importe quel moment. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Faites-vous-en votre propre idée. Mm-hmm. Jackson dit avoir rencontré cet échappatoire indéfendable, indéfensible, peu importe, lorsqu'il était à la prosecution au niveau criminel. Donc il a fait de ça une priorité pour lui dans ses plans. Et puis il dit que la Caroline du Nord était à ce moment-là le seul état au pays où non ne voulait pas vraiment dire non s'il y avait eu un oui avant. Hey, ça devient tellement compliqué. Oui, mais pour vrai, c'est quelque chose de tellement archaïque. Ouais. Que tant mieux si ça change. Exactement. Voilà. Donc, ça jouait un petit peu de comment dire... Tu sais, un petit peu comme à la cour d'école, celui qui l'a trouvé, le garde. Si tu m'as dit oui, ça reste oui pour toujours. Hein. Ensuite, on va à la poste. On va chercher le courrier, un peu. Ou les personnes qui font la distribution du courrier, voilà. Une personne, en fait, qui fait la distribution du courrier, un facteur, un postier, peu importe, admet avoir pris des pots de vin pour livrer de la drogue. Non! Sur sa route. Sur sa route de livraison. Il devient dealer à temps partiel. C'est le fun, ça fait un petit sideline, tu sais. Donc, c'est donc un travailleur de chez USPS. Ça, c'est le système style Post Canada. C'est la poste communautaire. Pas communautaire, pardon. C'est la USPS, le United States Postal Service. C'est le système postal. C'est comme Post Canada. C'est comme Post Canada. Donc, en Floride, qui a admis avoir accepté des pots de vin en échange de livraison de marijuana à un homme qui s'appelait Steve sur sa route. Steve! Donc, selon les documents de la cour. Le premier signe que quelque chose n'allait pas, c'est arrivé en octobre 2016, où le travailleur, le facteur, a essayé de livrer un paquet avec une adresse de retour de Brooklyn, mais qui avait passé par la Californie jusqu'à une communauté de Boca Raton qui s'appelle The Oaks. Le bureau de The Oaks a refusé d'accepter la livraison parce que la personne de retour sur le paquet n'avait pas d'adresse dessus. Donc, quand le facteur est retourné au bureau de poste, c'était une factrice, pardon. C'est difficile parce qu'en anglais, il n'y a pas de sexe. Fait que là, tu le découvres quand il y a un chien quelque part dans l'article. Donc, elle s'est fait poser des questions par les agents du fédéral qui lui ont dit qu'elle avait rencontré un homme nommé Steve qui lui avait donné... C'est beaucoup trop compliqué, là. Allez-y, droit au but, là. Donc, Steve l'appelait le matin lorsque le paquet était attendu et il s'arrangeait pour se rencontrer sur son chemin. Des fois, c'était à l'épicerie, des fois, c'était chez le bureau du vétérinaire. Et puis, bon, bien sûr, il la payait pour ça. Voilà. Wow. Wow. Ouais, beaucoup mais j'avoue trop que tu suspectes pas une facteur ou une factrice. Ouais, factrice, genre... de faire du deal de drogue. Absolument pas. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a dit oui, justement, ouais, parce que ça. Tu doutes pas de ces personnes-là. Les suspicions des femmes. C'est ouais. ça. Bref, les quatre boîtes là, de drogue, le chaud plein de boue, ont été retrouvées par des agents fédéraux alors qu'ils avaient une adresse de New York ou de la Floride, mais qui était passée par la Californie. Le poids total de la marijuana dans les boîtes était de 9186,6 grammes, environ 20 livres. Elle a été accusée en avril de pot de vin et de distribution de marijuana. Elle a plaidé coupable le 30 juin. Puis elle a fait un petit marché, là, un plea agreement, comme on appelle. Et l'accusation sur la distribution de marijuana va être abandonnée. Donc, pour avoir une plus petite peine. Voilà. Ensuite, on va chez Home Depot où un employé dit qu'il a été viré, il a été renvoyé pour avoir essayé d'arrêter un kidnapping possible. Ah! C'est un employé donc d'un Home Depot en Oregon qui a été renvoyé après avoir essayé d'intervenir dans ce qu'il dit être un cas de kidnapping ou d'essai de kidnapping dans le stationnement du magasin. Selon la station de télé KATU, l'homme de 32 ans dit avoir été renvoyé de chez Home Depot à mi-juin après que lui et son collègue de travail soient arrivés pour essayer d'empêcher ce supposé kidnapping dans le stationnement. Selon l'homme, l'incident du 12 mai dernier a commencé vers l'heure de la fermeture lorsqu'un collègue employé frappait sur la porte du magasin demandant de l'aide après avoir été témoin, présumément, de la violence entre un homme vers une femme. OK. Ouais, c'est ça. Donc, violenter une femme, l'amener dans la voiture et prendre l'enfant aussi. Si je comprends bien, c'est à peu près ça. Donc, regardant à l'extérieur, le collègue de travail dit qu'il a aussi remarqué l'homme qui s'en allait avec un enfant dans ses bras et entendait une femme crier à l'aide. La femme criait « Il kidnappe mon enfant, il vole mon enfant. » Donc, l'employé qui a vu ça a appelé la police. Tu vois comment Bonne on devrait idée. Faire toujours, appeler la police, mais enfin, la police lui a conseillé de ne pas approcher le présumé monsieur, criminel, le monsieur, ouais. Voilà, mais de garder l'œil sur lui. Donc, les employés de chez Home Depot attendaient les autorités. Ils sont allés dans le stationnement pour suivre l'homme dans la rue. Donc, pas l'approcher, juste le suivre. Je trouve que c'est quand même bien. On le garde à l'œil, mais de loin. Subtilement. C'est ça. Subtilement. Tu mets un journal devant ta face, tu fais des trous pour les yeux, comme dans un dessin animé. Pareil. Donc, la police est arrivée, ils ont ramené l'enfant à la mère et ils ont pris, ce que les employés voulaient dire. Là, comment on appelle ça, un état de choc. Comment on appelle ça quand tu vas donner ton témoignage? Ah, ton témoignage. Témoignage, oui. Voilà. Donc, on a déterminé finalement que la situation était de la dispute domestique. Donc, j'imagine le chum de la fille. Hein. Là, les hommes sont retournés travailler ce soir-là et un employé a dit à KATU qu'il a appris que pendant qu'il pensait faire la bonne chose, à ce moment-là, Home Depot, eux, voyaient ça autrement. Il pensait que c'était pour pas travailler. Ben, c'est ça. Les actions de l'homme quitter le territoire du magasin pendant qu'il était employé étaient en fait un viol des règles de sécurité. Ça a pris 4 semaines et plusieurs réunions avant que l'employé soit viré. Lorsqu'il a fait sa demande de chômage, le département Oregon Employment Department a approuvé l'application, trouvant que l'homme avait été renvoyé parce qu'il a assisté à la police dans ce cas de kidnapping. L'employé dit « Je le referai n'importe quand, sans changement, sans aucune hésitation. » C'est la loi du bon samaritain. Et voilà, absolument. Un représentant de chez Home Depot a dit à KATU que la situation est plus complexe que ça, mais que le magasin ou la chaîne allait évaluer la situation. Quelques heures plus tard, la compagnie a dit qu'ils allaient réengager l'employé. Donc, ils ont regardé ça une deuxième fois. Ils ont finalement changé d'idée. On va le réengager parce qu'on se sent mal. Tu sais? Donc, on ne sait pas si l'ancien employé va accepter l'offre de retourner chez Home Depot. Pour vrai, pas va ailleurs. Va chez Rona. Va chez Rona, exactement. voilà. Ensuite, alors ça c'est un petit peu spécial, un homme qui a été arrêté après une bataille, une chicane Star Wars versus Star Trek. Ah, oh, mon Dieu. Carrément, donc c'est un débat depuis des décennies. Mais oui. Jerome White, 23 ans, a été arrêté en Oklahoma après avoir s'être chicané avec quelqu'un d'autre par rapport à Star Wars et Star Trek. Selon la police de Oklahoma City, White et son ami étaient dans un appartement. La paire a commencé à placoter sur quelle série était la meilleure. Donc, une petite discussion bien normale et très amicale. Ensuite, White... a suivi son ami dans sa chambre et l'a poussé au sol. Après un petit combat entre les deux, White a mis son bras autour du cou du gars. Il a commencé à l'étrangler. Donc l'homme allait tomber dans les pommes. Il a sorti un couteau de sa poche. Mais franchement, voyons donc. Oui, donc White l'a lâché. White est accusé donc de violence, bien sûr, et d'autres accusations qui ne sont pas reliées à ça. Tristement, on n'a pas de gagnant. Donc on sait pas quel est le meilleur. Ars Technica nous dit qu'ils ont contacté l'ami de White, Bradley Burke, qui a clarifié que lui défendait Star Wars alors que White préférait Star Trek. C'est les détails qu'on voulait vraiment savoir là-dedans. Eh boy, hein? Ensuite, au Texas, une femme a laissé deux enfants dans la voiture pour mourir. Elle parlait régulièrement de Dieu en ligne. Donc encore, mais on revient... c'est sûr. Je les ai saupoudrés un petit peu dans cette chronique-là. Donc Amanda Watkins, la jeune femme qui a laissé ses deux enfants dans la voiture à mourir, bien sûr. Donc pendant qu'elle faisait la fête, est une chrétienne très fière qui mentionne toujours Dieu sur Facebook. Les autorités disent que Hawkins a intentionnellement laissé ses deux jeunes filles âgées de 1 et 2 ans dans son véhicule pendant plus de 15 heures pendant qu'elle était chez son amis. Les températures ont monté dans les 90 Fahrenheit le matin d'avant et ont été amenés à l'hôpital et ensuite ils ont été trouvés morts. Oh non! Triste, hein? Ils sont décédés? Un cas horrible, oui, absolument. Wow, j'avais pas vu ça, c'était pas écrit dans le titre, hein, ça? Ben voyons donc! C'est lugubre pas mal. Hawkins qui avait menti sur un... Ouais, c'est à peu près ça. Donc elle a tué ses enfants. C'est ça? Ouais. C'est comme on est troublé là, présentement. Wow! What? Eh ben, il y a plein d'exemples sur ces trucs qu'elle a postés en ligne. entre autres, elle a posté sur Facebook un plan réaliste pour les mamans. Et ça dit, sur sa liste de choses à faire, c'est comme une liste de choses à faire qui est écrite sur le côté, c'est marqué « À faire, garder tes enfants en vie ». Ben oui! Wow, c'est beau, hein? Quand même, hey, j'adore ça. Félicitations! Elle a posté des trucs sur Pâques aussi. Mais elle semble très jeune, hein? Oui, absolument. Ça dit pas l'âge dans l'article, hein? Non? Non, malheureusement. Mais je suis en train de la chercher sur Facebook. Ben oui, elle a sûrement effacé son compte. Probablement que son compte a été enlevé de façon sécuritaire par la police. C'est ça. Mais non, elle est encore... Et encore là, elle a posté un meme « Having kids didn't change my life, it saved my life ». Donc avoir des enfants n'a pas changé ma vie, ça a sauvé ma vie. Elle a passé sur Pâques, elle a remercié Dieu pour que après que son mari reçoive l'emploi, non? Hein? Hé, hey, c'est la même. Est-ce que t'es sûr? Faut que tu sois sûr que c'est la même, là. Elle a l'air fine, sa photo, mais non. Amanda Hawkins et son nom. Donc voilà. Ouais, c'est triste. Ensuite, on va terminer avec celui-là. Un chien qui a survécu après qu'un adolescent l'ait tiré présumément dans la tête, son chien. Une famille de Chicago qui a presque perdu son chien après qu'un adolescent l'a tiré dans la tête, selon les autorités. Crisp, qui est The Chicagoland Rescue Intervention and Support Program, nous dit que le chien, Luna, a été amené chez la SPA, là, si on veut, et que ses humains, ses propriétaires, l'ont amené pour qu'elle soit soignée. Elle a été stabilisée et renvoyée à la maison, donc ce chien-là n'est pas mort. Par contre, Luna est un petit peu traumatisée, a arrêté de manger, a commencé à vivre de la douleur extrême. On dit qu'elle a eu une chirurgie aussi au centre spécialisé vétérinaire de Buffalo Grove dans l'Illinois. Elle est ensuite sortie de chirurgie et puis elle s'en remet présentement. La balle est allée dans son crâne et un fragment a pesé contre son cerveau. Les chirurgiens disent qu'ils sont optimistes que Luna va s'en remettre éventuellement. Elle va rester hospitalisée pendant 48 heures jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à la maison. Voilà. Donc la police a arrêté l'adolescent de 15 ans en connexion avec cette fusillade. Selon NBC Chicago, il va être accusé à la cour juvénile de mauvaise utilisation d'une arme sans carte d'identification d'armes à feu, pour vol, pour dommages criminels d'un animal domestique, cruauté envers un animal et puis, mauvaise utilisation d'une arme à feu. L'adolescent aurait dit à la police qu'il avait peur que le chien lui fasse mal. Donc, évidemment, quand tu te sens menacé aux États-Unis, tu te tires dessus, c'est normal. Mm-hmm. Crisp, donc, est resté, ça c'est la police, est resté cordial sur Facebook lorsque quelqu'un lui a demandé les deux côtés de l'histoire en disant, je cite, honnêtement, on pense qu'il y a peut-être une chance que cet enfant avait vraiment peur. C'est une très bonne chienne, mais voir une grosse gros chien comme ça qui te court après peut être épeurant. Donc au moins il donne les deux côtés de la médaille, mais quand même, n'est-ce pas parce que t'as peur que tu tires sur le chien. Mathieu, c'est le vrai Facebook que j'ai trouvé. De Madame Hawkins? Oui. Laisse un commentaire, t'es folle. Ben, on peut pas parce qu'on n'est pas amis. Ah, dommage. Bref, le karma va lui revenir sur le nez un jour. Ah, c'est terrible. Voilà pour la chronique après le crime. Des gens qui font des choses pas correctes. On est déjà dû pour une pause. Après ça, ça va être la deuxième chronique de Tania is gonna entertain you. Oui! Ouh, c'est un petit peu plus joyeux. On va revenir dans le noir après ça. Versus le rouge. Oui, oui, c'est ça. Ou tu peux faire le blanc puis le noir. Ah, OK, c'est bon. Ah. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Rocky pour la semaine du 10 juillet 2017 avec Tania Bolin. Et Mathieu Plante. Absolument. Dans quelques instants, ça va être ta deuxième chronique. Oui. Ça va être la fin. On va parler d'emploi d'été. J'ai très hâte. On va se mettre là-dessus. On se met sur le dossier. Mais avant ça, on écoute une petite chanson que je vais dédier à tous ces criminels qui disent que c'est la faute de Dieu. Là. Oui. Voici mon doux Seigneur et primitif. Dieu chante maintenant. Il fait tout. Là. Il fait tout. Il est si... comment t'appelles ça, quelqu'un? Polyvalent. Polyvalent, voilà. Que faites-vous primitif dans le sens le plus sapien? Presque sens d'un nouveau mode de pensée. La plus belle avenue du monde n'est pas faite de pavés. La plus belle avenue du monde, c'est la main drag de ton esprit de calé. Un jeu de mots avec Seigneur comme dans Seigneur. Tu comprends? Oui. Mon Dieu, Seigneur. Tu penses? Ah, pas mal sûr. comme ça. D'accord. Donc, toujours à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. C'est le moment de la deuxième chronique de Tania. Donc, voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Je te confirme que c'est bien mon doux Seigneur à cœur. Ah, pour vrai? Ouais, c'est drôle. Mon Dieu, c'est bizarre. Ils sont chez Grosse Boîte. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est toi, Tania. Ah, merci, merci. Tu nous parles d'emploi d'été, comment faire un petit peu de cash. Oui, exactement, parce que, bon, on est à l'UQTR présentement. On est situé sur le campus de l'UQTR. Et je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais au secondaire et au collégial, lorsque je terminais mon année... J'allais travailler. C'est ça, ça termine jamais vraiment ton année. Ouais, c'est ça, ça se termine jamais. Mais je travaillais pendant l'été pour que par la suite, je puisse me concentrer sur mes études. Est-ce que t'as fait la même chose? Ben oui, évidemment. Quel genre d'emploi t'as fait, Mathieu? j'ai répondu oui juste pour t'aider dans ta carrière. J'ai jamais eu de petit job, je m'excuse. Pour vrai? Non, je te jure. Bon, t'es chanceux. J'ai commencé ici très très jeune. Ouais, c'est ça la différence. Dans le bon vieux temps. Bon, bien, la plupart du temps, on va voir les classiques, c'est-à-dire soit moniteur de camp de vacances, on va aussi avoir ramasseur de casseaux de fraises. Ah, j'ai fait de l'étalage dans une pharmacie. Bon, tu j'ai vois, ça, c'est un travail qui peut être calculé comme étant travail d'étudiant pendant l'été. Il y a aussi les bons vieux classiques, là, comme je le disais, là, les kiosques de fruits et légumes près des marchés et tout ça. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des métiers qui deviennent quasi importants durant l'été et qui sont insolites quand même. Mais aujourd'hui, je vous parle d'emploi d'été parce que c'est quand même difficile de se trouver un emploi d'été qui va pas être trop plate, ouais. On s'entend. Et c'est souvent ce qui arrive quand on est jeune, c'est qu'on trouve que tous les emplois du monde pendant l'été sont plates. Ouais. Et il faut arriver à mieux se connaître parce que pour notre CV, un emploi d'été, ça devient quand même assez important. On va se le dire. Si on est en train de terminer notre secondaire... Sinon, ton CV est vide. Ben c'est ça. Ou qu'on est au collégial, c'est comme un petit peu un pas de plus vers le monde adulte. Ça nous met de l'argent de côté et ça nous apprend aussi beaucoup de responsabilités. Ah, le maudit monde adulte. Eh boy, hein? Donc, ça nous aide à faire le pont, en fait, entre deux années scolaires, mais aussi entre deux étapes qui sont quand même assez importantes dans notre vie, c'est-à-dire, comme je le disais, mieux se connaître et faire des choix de carrière réussis sur le plan professionnel. Donc, il y a certains jeunes qui cherchent déjà des petits boulots dans la 5e, 6e année du primaire, mais ceux-là, ils seront en âge, par exemple, de travailler, d'avoir un salaire, d'être attirés par un emploi d'été et souvent vérifier, parce que moi, quand j'étais jeune, je me rappelle que je ne pouvais pas travailler avant d'avoir 16 ans. Ouais. Maintenant, tu peux si tu as un papier signé de tes parents. Ah, c'est une bonne chose, ouais, ça. C'est une très bonne chose. Si je me souviens bien, ici, en Mauricie, ça commence à 14 ans, tout dépendant de l'endroit. Mais si on a une autorisation signée des parents, on peut commencer à avoir un emploi d'été à cet âge-là. Et je trouve que c'est très bien parce que ça amène justement les jeunes à se dire que, bon, il faut mettre de l'argent de côté, il faut être responsable et tout ça. Et l'important, c'est que les adolescents, si on ne travaille pas, parce qu'il y en a qui se posent la question, je fais quoi pendant mon été? Je travaille-tu? Je fais-tu du bénévolat? Là, est-ce que je passe l'été sur le côté de la piscine à absolument rien faire? Il y en a qui se posent la question. T'as pas le droit de boire avant 18 ans. T'as pas le droit de boire avant 18 ans. Tu bois de la sangria sans alcool. Donc, si on travaille pas, il faut demeurer dans l'action. Il faut se garder actif. Il faut qu'on ait quand même des petits projets. D'où le bénévolat et tout ça. Mais ce qui est important, c'est d'expérimenter les différentes sphères d'emploi. Trouver ce que t'aimes, peut-être. Exactement. Il n'y a pas d'urgence à se dénicher un emploi de carrière lorsqu'on se trouve déjà un emploi d'été, souvent quand on est au collégial ou encore à l'université parce qu'on étudie dans un domaine qu'on va vouloir faire plus tard. Donc, pourquoi tout de suite se mettre à faire ce qu'on va faire pendant, par exemple, 35 ans si on peut le faire pendant un été, par exemple, de pouvoir être moins sérieux dans le domaine de carrière qu'on veut et surtout selon nos aspirations professionnelles. Donc, pour faire un choix professionnel, il faut bien se connaître. Le mieux à cet âge-là, et là, quand je dis à cet âge-là, c'est souvent les âges où on a encore des emplois d'été, là, tu sais, où on travaille pas à l'année longue puis on n'a pas de vacances. Donc, c'est de faire des expérimentations, de se découvrir. Par exemple, juste occuper un emploi étudiant sans nécessairement savoir s'il y a un lien entre ça et le domaine d'études qu'on est en train d'étudier et ce qu'on va faire plus tard. c'est pas très important lorsqu'on regarde un emploi d'été. C'est une expérience qu'il faut avoir, surtout parce que ça va nous faire vivre quelque chose. Ça va nous faire grandir aussi et ça va nous faire cheminer parce qu'on va avoir des situations qui réagiront pas au même terme que les situations qu'on va avoir lorsqu'on va être rendu dans notre plan de carrière officiel. Ouais. C'est drôle, tu sais, moi je vois ça du point de vue adulte parce que je suis un adulte, étrangement. Mais je me demande, hey, qu'est-ce qu'ils font avec leur impôt? Si t'es payé à 14 ans, tu fais des impôts, je pense. Des impôts à 14 ans? Ça ou je pense que les impôts commencent à 16. Ah, peut-être. Je sais pas, mais ça m'intrigue. 18? Hey, je me souviens plus à quel âge les impôts commencent. Ma tête va à des endroits bizarres. Je pense que c'est 18 ans, Mathieu, que tu commences à faire tes propres impôts. Je pensais que oui, parce que t'es calculé comme un adulte, fait que finalement, hey, je sais pas. Peut-être que c'est gratuit, c'est du freebie. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que tu payes des taxes dessus. Probablement. Oh, en tout cas, hein, on se posera les questions plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer à se connaître nous-mêmes. Lorsqu'on se pose la question « Qu'est-ce que je veux faire comme emploi d'été? » c'est important pour nous, nos forces, nos qualités. Par exemple, les façons qu'on a de fonctionner avec les gens autour de nous pour être efficace. Est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, dans une situation, dans le genre d'endroit qu'on va être? C'est sûr que... Allez pas moniteur de camp de vacances si vous aimez pas les enfants. T'sais, vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Logique. Il faut se retrouver dans des situations qu'on va apprécier et qu'on va être capable de gérer aussi. Ça, c'est très important. Si vous aimez pas les enfants, vous pouvez travailler à l'hôtel Super 8 pour leur frapper les têtes sur des glissades d'eau. Ben oui. Je pense que ça se fait, ça. Ouais, je pense. C'est nouveau, là. Ils ont commencé ça récemment. Je pense que c'est courant présentement de pouvoir faire ça. Par la suite, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut voyager ou on veut travailler? Ah oui, un petit voyage dans le monde, tu pourras pas refaire ça dans le futur, là. Exactement. Faut que tu fasses ça maintenant, là. Il faut que tu commences à y penser lorsque t'as, mettons, 17, 18 et un petit peu plus si t'es encore à l'université. Donc, pour certains étudiants, soit de niveau collégial ou universitaire, c'est un choix qui est difficile à faire entre partir en voyage ou travailler pendant l'été. Il faut garder en tête que le voyage, ça peut aussi être une façon de travailler pour certains. Oui, ben oui. Ça peut aussi être une façon d'apprendre à trouver sa propre voie. On peut revenir d'un voyage pendant un été puis se dire « Ah, finalement, mon choix de carrière, je pense que c'était pas le bon que j'ai fait à 16 ans sur le coin de mon secondaire 5 là, à cocher ce que je voulais faire pour le restant de mes jours parce que je suis plus la même personne. » C'est des choses qui peuvent arriver. C'est d'apprendre à se connaître au mieux. Donc, en autant que l'étudiant se mette dans une situation pour se déstabiliser, c'est un petit peu ça qui est important avec un emploi d'été, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on va faire plus tard si on se retrouve dans une situation comme ça. Est-ce qu'on aime ce genre de situation-là. Si vous n'aimez pas voyager, mais que tous vos amis aiment voyager, donc vous décidez de partir en voyage avec eux, c'est peut-être là que tu vas réaliser que le voyage, c'est pas pour toi aussi. Ouais. Tu vas peut-être réaliser que tu t'ennuies de chez toi. Il y en a qui ont ça, le mal du pays. Il y en a qui sont pas capables de fonctionner dans d'autres cultures différentes. C'est là vraiment pendant... Ils veulent leur petit luxe, là, très, très quotidien. Exactement. Donc, l'été, c'est une occasion d'en apprendre sur nous et sur nos expériences de travail ou de voyage. Et ça, ça peut faciliter les choix de carrière beaucoup. Mm-hmm. Si, par exemple, nous, on est passionnés par, je sais pas moi, les croisières, bien, il y a des emplois étudiants pendant l'été sur des bateaux de croisière qui fait en sorte que tu voyages à un certain point et tu y vois du pays, tu y vois d'autres choses. Si on choisit de ne pas travailler, il faut pas s'inquiéter de ce qui va entourer notre pas travailler. ce qu'on veut dire, en fait, c'est que souvent, les parents vont se demander « Bon, ben là, il va faire quoi? Moi, je m'en vais travailler toute la journée. Mm-hmm. » Vas-tu fumer de la drogue? Vas-tu boire dans le bar? » On se dit, en fait, qu'à un certain âge, on aimerait avoir de l'argent pour se payer des affaires. Mais l'important, c'est aussi que le parent puisse discuter avec son jeune pour pouvoir prévoir qu'est-ce qu'il va faire pendant l'été. Parce qu'à ce moment-là, tu peux lui mettre dans l'idée de faire, par exemple, du bénévolat. Ouais. Tu peux aussi lui mettre dans l'idée de joindre à un groupe, je sais pas moi... Une secte, non? Tu peux aussi, par exemple, des activités sportives. Tu sais, ce genre de choses-là, c'est d'arriver à mettre de l'intérêt dans la tête de nos jeunes à arriver à avoir un emploi d'été, parce que souvent, c'est ça qui va faire en sorte que leur choix de carrière, plus tard, va se développer par ce choix-là. Ça commence par là. Exactement. Par la suite, l'étape, c'est de dénicher un travail qui va être intéressant. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais... C'est là que tu vas commencer à vivre ta vie d'adulte, chercher ça. Une job. Là. Exactement. Pour trouver un emploi, il y a les gouvernements provinciaux, les gouvernements fédéraux qui offrent des services de placement où on peut se connecter ensemble en tant qu'employeur puis étudiant aussi. Et le site, par exemple, de placement en ligne au Québec, c'est quand même une des meilleures places où tu peux commencer à dénicher un emploi étudiant, un emploi d'été. Et le placement en ligne aussi, ça permet permet aux entreprises une approche qui est libre-service. Tu vas avoir une certaine, service gratuit et tu vas avoir une certaine proximité avec les gens qui vont t'envoyer leur CV ou toi avec les gens à qui tu vas envoyer ton CV. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Et il y a aussi Facebook qui commence à être un petit peu une espèce de placement en ligne aussi pour les emplois d'été. Regardez ça parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont mettre leur propre annonce sur leur page Facebook, par exemple, surtout si ce sont des emplois étudiants au Québec. Donc, des compagnies qui sont suivies par exemple, plus de 40 000 personnes, c'est une façon de mettre en contact les gens pour des emplois étudiants. Donc, regardez vraiment autour de vous. Puis là, on dit pas juste de poster un message, genre, cherchez une job, écrivez-moi. Ça, c'est la pensée magique. Non, c'est ça. Faites vos propres recherches, que ce soit sur Facebook. Si vous allez voir la page Facebook de l'entreprise qui vous intéresse, vous pouvez voir si eux sont à la recherche de quelque chose. Vous pouvez tout simplement leur envoyer un message. Est-ce qu'il y a des postes disponibles dans pas votre... affichés. Exactement, non affichés. Et souvent, ce qui est le fun avec Facebook, c'est que Messenger va être automatiquement répondu. C'est vrai. Donc, vous allez avoir une chance de se faire répondre pas mal plus que si vous envoyez un CV comme ça à la pige sans savoir si vous allez être, si vous allez être rappelé. On est rendu là, On est vraiment rendu là. Stockez-les comme ils vont vous stocker quand vous allez les contacter. Exactement. Il y a la fonction publique aussi. On ne pense pas souvent à ça, mais la ville, les villes où on habite, bien, c'est un des employeurs de choix pendant la période estivale parce qu'on parle des parcs, on parle des piscines, on parle de tout ce qui est service à la communauté à laquelle on ne pense pas nécessairement tout le temps, mais c'est géré par la ville. Donc, on se rend sur le site, par exemple, de la ville dans laquelle on se trouve et on regarde justement dans les types d'emplois étudiants ce qui est offert pour nous. Et si on regarde, par exemple, au Québec, quelques chiffres. Emploi Québec, c'est 45 727 candidatures d'emploi été qu'il y a présentement. Il en reste 39 080 de vacantes. Wow! C'est énorme! C'est énorme! Il y a sûrement des petites villes ou des endroits plus éloignés. Probablement. Mais quand même. Et ça, c'est 6433 employeurs différents qui ont publié une offre d'emploi étudiant et d'été via placement en ligne depuis ce temps-là. Vous avez quasiment un poste garanti si vous avez moyennement de l'allure. On s'entend-tu? Ouais. Puis, je pense qu'à un certain point, s'il reste 39 080 postes vacants, je pense qu'il y a une moyenne aussi, un moyen que vous allez pouvoir peut-être demander une augmentation de salaire assez rapidement. OK, bon. Je sais pas ça, mais peut-être. C'est ça. Et j'ai pour vous, parce que là, c'est quand même léger comme chronique aujourd'hui, bien, j'ai pour vous 10 jobs d'été les plus insolites auxquels vous pouvez postuler présentement en 2017. Donc, c'est à travers le monde, sachez-le. Et il y en a certains que leur emploi d'été, ça va être justement d'aller ailleurs et de travailler ailleurs. Ça se voit beaucoup. Moi, quand j'étais au secondaire, tout le monde allait dans l'Ouest canadien. Ben oui. Ils allaient tous cueillir des fraises ou des petits pois ou peu importe. Comme notre amie Marilyn. Marilyn qui est partie là-bas en semi-Westphalia avec sa vanne. Mais vous allez voir, il y en a qui sont plus insolites que d'autres. Donc, si vous êtes extrêmement festif, si déjà en partant vous avez l'âge d'être festif, gardez ça en tête. Oui. Et aux États-Unis, c'est 21 ans. Je sais pas si c'est le concernant. Oui, c'est ça, exactement. Mais je parle entre autres, surtout pour les gens qui sont à l'université, par exemple. Okay. Eh bien, vous pouvez devenir un nightlife guide. Donc, vous devenez un guide de sortie en boîte. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un guide touristique, en fait, des meilleurs bars de la ville. Hey, ça serait la pire job pour moi. Mais... C'est l'agence de voyage Crazy Voyage qui est spécialisée dans les séjours d'enterrement de vie de célibataire. Et on propose à des groupes de touristes de découvrir la ville de nuit, bien évidemment, à travers des bars, des boîtes de nuit. Et on recherche des guides dans des dizaines de villes en France. C'est sûr, c'est en France, mais qui sait? Allez-y. Si vous tripez sur la France depuis que vous êtes tout jeune, vous connaissez tous les raccoins. Du coup, postulez, hein? Vous allez voir. Ça va être génial. Donc, ça va vous garantir, une soirée assez mouvementée et aussi des souvenirs mémorables et vous allez être payé. Oui, plein de sexe. C'est pas là, je m'en plais, mais écoute. C'est des bars. C'est sûr, vous allez avoir une ambiance. Vous allez aussi avoir une mission. C'est le Stade de France qui cherche des désoiffeurs. Donc, c'est pour abreuver les supporters. Ah oui? C'est pour, tu sais, là, offrir de la bière, puis offrir des cocktails. Bière froide, cold beer! C'est ça, exactement. C'est un travail qui est beaucoup plus physique, mais quand même, ça peut intéresser des gens. Regardez dans vos propres villes, dans les stades de sport ou dans les arénas de sport. Souvent, en été, on n'y pense pas, mais il y a des endroits comme ça qui recherchent des gens qui vont être quand même assez physiques et qui vont avoir une ambiance assez mouvementée pour pouvoir garder les supporters en haleine. C'est quoi le nom du poste? Des soifeurs. Des soifeurs, OK, ouais. Mais ça, c'est européen, ouais, le titre. C'est, mais... c'est comme dire des grillardises pour des Pop-Tarts. Hein, honnêtement, je sais pas comment tu pourrais appeler ça en québécois, un désoiffeur. Je sais pas. Le porteur d'eau. Porteur d'eau. Par la suite, comme emploi d'été assez loufoque, vous pouvez devenir testeur de maillot de bain. Sachez-le. Okay. En fait, si vous allez être payé pour porter un maillot de bain, c'est un petit peu la job insolite qui propose peut-être le meilleur, le meilleur emploi. Si vous n'êtes pas dans une province comme le Québec où il mouille tout le temps présentement, c'est sûr que c'est un petit peu plus le fun. Est-ce que ça demande de poster ça sur Instagram? Maintenant, je te dirais que oui, ouais. De plus en plus, ça devient aussi un petit peu un travail d'influenceur à un certain point. Mais il y a des agences qui cherchent à faire tester leur maillot de bain, savoir est-ce que ça va bien dans une piscine, est-ce que ça va bien dans un spa, est-ce que ça va bien, par exemple, piscine de la ville. C'est des produits qui sont différents de la piscine chez vous. Est-ce que le maillot va rester correct? Bien, c'est le genre d'emploi que vous pourriez dénicher à un certain point avec une compagnie de maillot de bain. Je me suis fait approcher pour tester des maillots Hellmann's puis Miracle Whip. Ben hein? Oui, ce ben genre oui. De maillot-là, Mathieu. Ouais, bon. Il y a aussi, vous pouvez peut-être devenir le crémeur. Oh, parlant de mayonnaise. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est de donner de la crème solaire aux touristes qui n'ont pas de crème solaire sur la plage. Ah, tu sauves des vies, finalement. T'es comme un paramédic. Souvent, il va y avoir des agences de promotion qui vont se chercher des gens pendant l'été comme ça, qui vont aller, dans, par exemple, dans des festivals, qui vont aller souvent dans des épiceries aussi, faire déguster des produits qui sont Pas des crèmes solaires. Des crèmes solaires, mais qui ne sont pas nécessairement tout le temps la même chose. Et ça arrive que du côté de la crème solaire, dans des événements comme, par exemple, ici à Trois-Rivières, le Festivois ou encore le Grand Prix de Trois-Rivières, bien, on va voir ces genres d'équipes promo-là sortir et on va offrir des crèmes solaires aux gens. C'est merveilleux. Fait qu'après avoir cassé des têtes d'enfants chez Super 8, c'est ça. Tu leur mets de la banane à boat puis ça leur brûle au troisième degré la peau. Exactement. Comme on a vu des nouvelles. Ça peut paraître ingrat un petit peu comme travail parce que t'es quasi 12 heures debout à passer de la crème solaire aux gens, mais c'est extrêmement bien payé la plupart du temps. C'est un emploi qui va être déterminé entre telle semaine et telle semaine, donc ça va être court. La plupart du temps, tu vas être capable aussi de pouvoir bénéficier du reste de ton été et tu vas pouvoir, bien évidemment, participer à un certain point dans des festivals, dans des événements qui sont reconnus et souvent, tu vas avoir, par exemple, un joli bronzage en prime passes ton temps à l'extérieur. Donc, c'est merveilleux. Tu donnes la crème solaire puis toi, tu l'utilises. C'est mon gang. J'aurais dû faire ça quand j'étais étudiante, honnêtement. J'aurais dû faire ça. Il y a des gens aussi qui cherchent des clients mystères. Ah oui, pour faire ton petit incognito là, pour aller dans les magasins puis tester le service dans les restaurants. Exactement, ça se voit de plus en plus dans les épiceries, sachez-le, et aussi dans les restaurants. Donc, on cherche des clients mystères. Souvent, ça va être sur les terrasses parce que, bon, l'endroit est assez restreint. Est-ce qu'on aime vraiment ça? Est-ce que la serveuse va se sentir à l'aise dans tout ça? On veut savoir ce genre de choses-là. Donc, faites une recherche sur Emploi Québec parce que dernièrement, j'ai fait mes recherches et je suis allée voir et il y en a des gens qui demandent des clients mystères. Aïe, aïe, je vais tellement faire ça. Ça m'excite. C'est merveilleux. C'est vraiment cool. Et la plupart du temps, vous allez pouvoir vous ramasser avec un repas gratuit, par exemple, si vous faites au restaurant ou encore si vous allez tester le service dans une épicerie, ben on va vous remettre par la suite, par exemple, un chèque que vous allez pouvoir dépenser à cette épicerie-là. Wow, cool! On se parle un team de ça. C'est merveilleux, hein? C'est vraiment cool. Par la suite, dans les jobs quand même assez insolites, vous pouvez devenir testeur de loisirs. OK. Sachez-le. Donc, en fait, les loisirs, c'est un site Internet français, mais ça propose des activités de loisirs en France, comme le saut en parachute ou le dîner gastronomique. Et on passe aussi par les soins au spa à la recherche d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc, c'est qualifié par le meilleur... le site de meilleur job en France et vous devenez ambassadeur du site. Vous allez faire une tournée des loisirs, par exemple Tourisme France ou quelque chose comme ça, qui va offrir des forfaits et vous allez aller les tester. Malade. C'est merveilleux. Hey. J'aime ça. J'ai vraiment pas regardé le genre de job qui était assez important pour moi quand j'étais plus jeune. animateur dans un festival. Ah. C'est pas tant insolite, mais c'est quand même cool comme idée. Pour bien finir l'été, il y a plusieurs festivals, que ce soit ici au Québec ou en Europe ou peu importe. Il y a des marques de partenaires de festivals qui cherchent des animateurs et des animatrices pour faire, par exemple, la promotion des produits, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y en a aussi qui cherchent pour des animateurs de foule. Ah, cool. Tu sais, t'es devant un show, là, pis là, le band, là, il est comme backstage, il est aveugle de rentrer, mais il y a pas personne qui crie. Tu plates rien qu'un peu. Pis tape pour la TV, fait qu'il faut que ce soit vraiment impressionnant. Pis tape pour la TV, c'est faut ça. Que ça soit impressionnant, faut que ça soit le fun, faut que tu mettes le monde dedans. Donc, il y en a certains qui cherchent des animateurs de foule, des hôtesses qui vont arriver aussi pour les gens qui vont être des artistes dans le festival ou peu importe. Et à un certain moment, ça peut payer votre place. Ça peut, ça paye déjà en partant votre place au festival. Vous dépensez absolument rien. Un t-shirt, peut-être. C'est ça. Et vous êtes, par la suite, payé à faire triple le monde. C'est le fun. C'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça, je faisais du bénévolat à la place. Non, ben t'sais, mais t'as une âme charitable. Exactement. C'est le genre de job d'été insolite auquel vous pouvez postuler. Et sachez qu'il y en a plusieurs aussi qui est relié de plus en plus avec le voyage. Donc, vous pouvez, par exemple, devenir guide de randonnée, mais pas dans votre ville. Vous allez pouvoir le faire, par exemple, en Colombie-Britannique. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des gens qui se partaient dans l'Ouest il y a quelques années. Bien, vous allez pouvoir faire la même chose. Il y en a aussi qui vont du côté des tout-inclus aux États-Unis. Mmh. Ça se fait de plus en plus. On cherche à engager des étudiants ou des gens durant une période X pour les clubs med, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'à un certain point, d'aller passer ton été au grand complet à animer les petites madames sur le bord de la plage, c'est quand même pas pire comme été. Ça, puis les réanimer. C'est sûr que le soir, tu travailles pas nécessairement tout le temps, donc il y a des soirées qui vont être allouées à toi, à ton temps libre. Tu vas être payé, tu vas être mangé, tu vas être nourri. Que dire de plus? Je fais quoi, moi, à radio présent? Mais il y a des gens aussi, comme je le disais l'autre jour, parce que j'ai fait une chronique sur les croisières, il y a de plus en plus de croisières aussi qui cherchent des gens comme ça. Donc, si vous êtes attiré par le voyage, recherchez vraiment dans les domaines qui vous allument et qui vous tiennent en haleine, parce que c'est comme ça que vous allez commencer à vous connaître de plus en plus et que vous allez peut-être même regarder votre plan de vie différemment. Ah, remettre en question votre vie. Oui. Ouais. On aime ça. On aime ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Un fou d'une poche. Mm-hmm. Tellement qu'il y a des affaires à faire pendant l'été. Fou d'une poche, comme dans Forever Fool. Voici The Harpoonist and the Axe Murderer, assemblage requis sur CIF. 89 FM. Harpoon et Stanley Axe Murderer avec Forever Fool à Assemblage Rocky. Il nous reste un dernier petit bloc. En fait, je pense qu'il y a un long bloc, un pas pire bloc d'une grosse pointe d'adresse. Tantôt, on va jouer les enfants. On va revenir en enfant, je pense, avec ça. Juste toi et moi, peut-être d'autres invités. On sait pas encore. On prépare quelque chose. Mais pour l'instant, on prend une petite pause. Vous êtes à Assemblage Rocky pour encore une demi-heure. Aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Assemblage qui comptera aujourd'hui. Avec Tania Baudin. Et Mathieu Blanze. Ok oui. Ok oui. On a l'impression de revenir en enfance, comme je l'ai dit tantôt. Vous allez voir de quoi je parle dans notre chronique alimentaire. Une grosse pointe d'allresse. Une grosse pointe d'adresse, la grille dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que je garde dans mon tiroir pendant les dernières semaines, que j'ai acheté à l'épicerie, en pharmacie, en dépanneur, dans un magasin quelconque. L'affaire, tout ce qu'on demande, la règle, c'est que ce soit malsain, exactement, facile à se procurer et qu'on n'a jamais goûté avant. Au moins deux de ces trois facteurs-là. Et cette semaine encore, comme la plupart du temps, je remplis les trois critères. Ah ouais? Oui, oui, oui. Je suis de même. Eh hey boy. Et j'ai dit qu'on allait être un petit peu enfantin aujourd'hui parce que quand je suis arrivé à l'épicerie la dernière fois que je suis allé, je me suis dit, bon, ben, crime, qu'est-ce que j'ai jamais essayé? Tu sais, j'ai jamais été du genre à acheter plein de bonbons. Tu sais, j'en achetais un petit peu, mais tout le temps les mêmes affaires. Quand j'étais jeune, c'est ça. Et depuis ma jeunesse, c'est-à-dire il y a très longtemps, hein, ben, ils essaient de sortir des affaires pour se débarquer. Tu sais, des trucs. Nouveau, je sais pas trop quoi. Dans ce cas-ci, j'ai aucune idée si ça l'est nouveau, mais moi, j'avais jamais vu ça. Ce sont de gigantesques. Ça s'appelle Giant Candy Spray. C'est des bonbons en spray. Non, j'ai jamais vu ça. Funny Candy, super acidulé, donc apparemment que c'est très, très surette. Okay. Ouais, ouais. C'est du bonbon. J'ai comme peur. Ah, c'est du bonbon liquide à vaporiser. Faudrait pas que je me trompe parce que je sais pas si c'était de. Je vais te révéler un secret de ma vie personnelle. D'accord. Quand je prends ma douche, ouais. C'est déjà une mauvaise image pour commencer. Ouais. des fois, je porte pas attention à ce que je fais. Okay. Et ça m'arrive de mettre, mettons, de la crème pour le visage d'un cheveu. Oh non! Ou du shampoing d'en face parce que je porte pas attention. Ouais. Ça m'arrive. Fait qu'il va falloir que je fasse attention pour mettre ce spray-là sur ma langue et non pas. Ailleurs. Dans mes cheveux ou ailleurs, on sait pas. T'sais. C'est parce que des fois, là, ce qui arrive, là, c'est que ça se plouche pas où tu le vises. Ouais, faut ouais, j'avoue que tu peux l'envoyer dans les yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu fais du genre à pogner un gun pour tirer quelqu'un, mais te le tirer dessus, c'est ça? Non, quand même pas, là, j'étais assez intelligente. Portez attention. Donc, ingrédients. Et là, c'est écrit vraiment minuscule et noir sur bleu, là, c'est pas ma vieillesse qui me fait mal voir. Ingrédients, sirop de maïs. En plus, la bouteille est comme courbée à pleine place. Oui, t'sais. Bref. C'est vrai. C'est vrai. Ben, pour vrai, là, je sais pas, là, mais il a l'air rib for her pleasure. Ouais, c'est ce que j'osais pas dire. Hein? Tu pourrais sprayer de partout en dedans comme dehors. C'est vrai, c'est bien vrai. Donc, sirop de maïs riche en fructose, donc que c'est du. C'est merveilleux. Eau, ensuite. Oui. Acide citrique, acide malique. Je pense que ça, c'est un des artistes que tu mentionnais tantôt dans ta chronique de chansons. Ah non, même pas. C'est le nom de mon neveu, par exemple. Acide malique, quoi. Ben, malique. Arôme artificiel et sorbate de potassium, c'est-à-dire garder dans un endroit frais et sec, pareil comme ton neveu. pareil. Si tu veux des informations nutritionnelles, elles ne sont pas sur l'emballage, faut que tu appelles au 1-800-363-1311. C'est légal. 1311. Est-ce que c'est légal de pas mettre tes informations dessus? Je sais pas. Je sais pas, hein? C'est par la confiserie Mondou Confectionery. Avertissement pour les allergies, risque de suffocation. Oh non. Parce que les petites pièces, j'imagine le bouchon. Mon Dieu. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. C'est agressif. Acide malique, peux-tu en prendre? Oui. Bon, parfait. T'es assez vieux. Avertissement, c'est marqué. Attends un peu. C'est vraiment écrit tout petit, là. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, les petites pièces pourraient être avalées ou inhalées. Ne pas vaporiser dans les yeux. Merci. En cas d'irritation des yeux, rincez avec de l'eau immédiatement pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Une consommation abusive sur une courte période de temps peut causer une irritation temporaire des langues sensibles. Aïe! Aïe! C'est bon jusqu'au 19 avril 2018. OK. Ça dure au moins un an. C'est en format de 110 millilitres. J'ai acheté deux saveurs pour pouvoir bien goûter. Hein. C'est quoi les saveurs? Sont où? Là? Je les vois pas. C'est pas. Ça me semble pas écrit, mais bleu, on va dire. Ah, framboise bleue. Bleu, clairement. Clairement, la fictive bleu. Framboise bleue. Ah, tu l'as vu? Ah, je l'avais pas vu. Moi, j'y allais juste à couleur. Ça, c'est sûr, c'est fraise. Oui, fraise. Tu vois? Exactement. L'autre, j'essaie de rechercher le texte s'il y a des différences, mais je n'en vois pas. Aussi bon jusqu'au 19 avril 2018. Toujours Funny Candy, toujours Giant Candy Spray. Et tiens, c'est marqué en arrière, je l'avais pas vu, mais c'est marqué. Il y a tellement de détails sur ces bouteilles-là pour c'est les fou, enfants. C'est fou, hein? Ouais, mais clairement, c'est pas pour les enfants. Là. C'est pas eux qui les achètent, là, c'est les parents. Tu penses? Ben oui. C'est à hauteur des enfants. Les enfants doivent dire « Hey, je veux ça, ça a l'air cool. » Mais c'est marqué XXL en arrière. Giant XXL Candy Spray. Tu vois le XXL? Ah, ouais. Derrière le logo. Oh, OK. C'est subtil, hein? Oui, très. Et tellement la bouteille est, bossée pour son plaisir. Genre, comment est-ce qu'on dit ça? Ondulé. Ouais. Ondulé pour son plaisir. Bon. C'est ça. Bref, tellement le plastique est ondulé que la fraise a l'air mutante en haut. C'est vrai. Là, t'as deux affaires, je peux pas te lancer les deux. Hein. Est-ce qu'on essaye? Ok, attention. Et le premier. Et le deuxième de la main gauche. Whoop! Hey, pas si pire. J'étais une gardienne de but au soccer. Hey, mon talent de lanceur est excellent. Ah oui, c'est ça. Bon. Donc, on ouvre ça dans le micro magique. Eh mon dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça a pas l'air évident à ouvrir, mon cher Mathieu. Y a pas une fente en haut, quelque chose? Y a pas grand-chose, je me t'avoue. Oublie pas qu'il faut que tu pinces le bout. Pour pas le... Faut que je pince debout? C'est une joke de condom. Ah, OK. Il y a des jeunes qui écoutent. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bon, ben... Tu peux pas parler de condom à des jeunes. Non, tu peux pas. L'éducation sexuelle avant 16 ans. Hein? Qu'est-ce ouais. Mais j'ai essayé d'ouvrir, là, okay. Mais finalement, ça a pas super bien fonctionné. Bon, c'est ça. J'ai ouvert le premier. Elle a ouvert le capuchon bleu de notre candy spray à la framboise. Ah, vous entendez? Oh, oui. Vous avez entendu? Ça, c'est... Voilà. Je parle trop des fois. Hein. Les deux sont ouverts. Oui. Et ils tiennent debout, toi, je ne sais pas les faire tenir debout. Quoi? Je sais pas. OK. Ça sent, là, mon gars. Ça sent sucré. Je pense que je vais juste prendre une photo des bouteilles. Juste prendre une position vraiment belle. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre ça sur la page Facebook, juste pour que vous nous disiez, vous, auditeurs, si la forme est vraiment ondulée pour son plaisir. Merci, Thalia. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que je clignais pas des yeux pour savoir quand est-ce que j'allais prendre la photo, mais c'est pas grave. Bon, fait que je peux pas vraiment vous faire un... Un push? Un... Ouais. Ben, si tu le mets sur... à l'extérieur du micro, comme du parfum. Jusqu'à temps que ça sort, C'est ce qu'ils disent. Oh, oui. Oh! Il y a tellement d'écho, là. On a eu un petit... squirt! C'est long avant que ça sorte. C'est très long avant que ça sorte. Ça demande de la stimulation. Là. Oh! Oh oui! Il y en a ses murs! Il y en a ses murs, puis il y en a dans la fenêtre. Désolé pour vos oreilles, fallait monter le micro vraiment fort. Il y a beau être magique, mais c'est pas un miracle worker non plus. Ça là. Dit qu'il faut faire attention aux petites pièces, puis c'est déconseillé aux enfants de oui, moins de 3 faire ans. Attention aux petites pièces, c'est bien. Fait que là, Mathieu, on fait quoi? Prends-tu une saveur, je prends l'autre, puis après ça, on se le partage. On se switcheroo ça. OK. Donc là, on se splouche ça où, maintenant? Directement dans la bouche. Sa langue ou dans le fond de la gorge? Inserte-toi ça le plus profond que t'es capable. Et puis ensuite, appuie sur le bouton qui va stimuler la sensation climax. Je pense que j'ai allé avec la langue, moi. Ouais, moi aussi. OK. Go. Attention, parce que c'est pas un splouche vapeur, mettons. Ça a l'air d'être un splouche assez... Ça part pas en volcan, ça part en fusée. Ça part pas en brume. C'est ça. Ça part comme le truc là, pour envoyer de l'eau sur, sur le gazon. Pareil, pareil, comme un gicleur. Un gicleur, oui. OK, on y va. OK, go. Ben là, super... Ben, sucré peut-être, mais surette. Super acidulé, pas vraiment. Hein? C'est pas surette partout. OK, je vais m'en mettre plein de spray, OK, sur ma langue. Ça goûte la slush. Ouais, ça goûte la slush. Oui, c'est bon. La framboise bleue, en tout cas, goûte la slush. Pareil pour le rose, ça goûte vraiment la slush. Je te prête celui à la framboise bleue. Merci. Ah, bon. Okay. Et je vais goûter celui à la framboise, mais tu vas voir, le bleu goûte vraiment genre la sludge bleue. J'y vais pour le rouge, là. Mais c'est super. Pour vrai, ça goûte comme si t'avais fait fondre un popsicle. Ouais. Et que tu te mettais ça sur la langue. Mais je comprends pas pourquoi ils disent que c'est super acidulé. C'est-tu parce qu'avec les années, nos papilles gustatives en ont reçu trop? C'est peut-être ça. Je me dis que les enfants ont une langue peut-être plus sensible. Faut que t'aies 7 ans pour que ça soit super acidulé? Ça doit être ça. Je vais y aller avec le fond de la gorge. Peut-être que c'est différent. Bonne idée. T'es pas habitué, hein? Pas habitué au fond de la gorge, vraiment pas. OK, je t'avoue que dans le fond de la gorge, par exemple, ça pogne un petit peu plus ses côtés. Je le pogne pas du tout le sur les côtés. Pas en tout. Mais je trouve pas que c'est super acidulé. Non. C'est assez sucré pour moi. Oui, mais moi juste correct en fait, pour vrai. Mais c'est pas déplaisant. Tu fais quoi avec une bouteille complète? Ça dure combien de temps? Je veux dire, une bouteille de parfum grosse de même, ça va durer des mois? C'est meilleur jusqu'au 18 avril 2019 ou le 19 avril 2018. Je pense que c'est le premier, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression que pour vrai, tu vas en avoir pour super longtemps avec ça. Tu vas pouvoir le partager à tout le monde. Et ce qui est fun, peut-être c'est que tu peux l'intégrer à des drinks. Oh! Et c'est pas fou, ça, faire une petite margarita avec un fond de slush, là, ça serait pas mauvais. C'est écrit, là, avec du splouche-plouche semi sur elle. Pas fou. Ton soda stream. Ouais, soda stream. Ton stream. Hein? Clairement, mais là, t'ajoutes du sucre à ton eau. Ce qui vient un petit peu défaire l'objectif de boire de l'eau santé. C'est ça. Mais non, c'est bon, pour vrai, j'allais dire... C'est importé du Québec. Importé du Québec, wow. Ben, ça dit importé par Mondou, Laval, Québec. Ouais, importé par... D'autres pays, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais bon, si je peux finir ma phrase. Oui, j'étais en train de dire que, que c'est fun de pouvoir le partager parce que le bout ne touche pas à ta bouche. Ça, c'est le fun. Fait que tu peux le partager quand le bout touche pas à rien ta d'autre. Bouche, c'est ça. Tu peux le partager. Sois généreux. Sois généreux de ton embout, s'il te plaît. On s'adresse à tous les enfants qui nous écoutent. Oui, qui comprennent pas ces gags-là, qui vont demander à leurs parents, mais qu'est-ce qu'il fait comme blague? Exactement. Ben, t'as juste à leur réinventer quelque chose, là. J'essaie de sortir votre talent d'improvisateur. C'est ça. Pour pouvoir expliquer des affaires que les enfants vont voir au deuxième degré. Expliquez-leur qu'on parle juste de... On vous aide, finalement. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à l'explication des choses. C'est ça. Parce que si on vous prend trop pour des épées, puis qu'on vous parle vraiment des affaires au premier degré, votre enfant va tout comprendre. C'est ça. C'est pas bébé mieux. Non. Tu sais, faut que tu y ailles par quatre chemins. Hein? Je pense que juste à cause que c'est pas assez acidulé, je vais mettre un pouce sur le côté. Je vais te suivre là-dedans. Pouce sur le côté aussi. Parce que j'aurais vraiment pris quelque chose là, d'acidulé. Mm-hmm. Là. Ouais. Tu sais, sour push style. Pour donner... Oui, exactement comme un sour push, un petit shooter, là, ça aurait été vraiment cool. Faut que ça pogne d'un joue. Si tu me dis que c'est acidulé et que ça pogne pas d'un joue, c'est un échec. Ça, honnêtement, tu sais, je vais essayer de retenter le devant versus l'arrière. Ouais. Tartine-toi la bouche au complet de cet embout. Ça reste vraiment bon, par exemple. Faut vraiment que tu te le pitches sur le ganglion. Ouais. Pas le ganglion, mais... Le ganglion! Tu sais, la chose qui... Sur l'hypothalamus, là. Tu sais, là, la... Le gorgoton. Le gorgoton. Ouais. Pitch-toi là sur le gorgoton, tu vas voir, c'est un petit peu sûr. Ton gag reflex, là. Ouais, ça a été 40. Ça devient surette quand tu le garoches à sa luette. Ah, la luette! Oui, à luette, gentille luette. C'est bien ça. Mais je pense que déjà à la base fraise sort un petit peu plus surette que le ça se peut. Que le framboise bleu. Je sais pas si je veux mettre pouce en l'air parce que je trouve ça vraiment bon. Non, je vais rester moi sur le côté. Okay. Moi je reste sur le côté. Sur le côté. C'est ouais. Bon. C'est donc j'ai refait un test là sur le côté. Giant XXL Candy Spray, on a goûté la version à la framboise bleue et la version aux fraises. J'aime bien quand même, le goût est super bon, mais c'est pas surette. C'est ça. C'est le résumé de la chose, voilà. Décevant. On est rendu à une autre pause. Après ça, on va revenir avec notre bloc d'actualité sur le fast-food. Ouh, oui! Sur la joie qui reste là! Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans Assemblage requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Et oui, on parle de bouffe présentement. Oh oui, qu'on parle de bouffe. On est tout excités parce qu'on a pris du sucre, je pense. On parle ouais, vite. Mais là, on cherche à savoir, tu sais, la langue, là. Ouais. Les papilles gustatives, ils ont toutes leurs parties. Mm-hmm. Mais je me souviens plus, l'acidulé, il est où, il sa est langue? Puis est-ce qu'il disparaît avec le temps? Parce qu'il me semble que j'en mange est-ce des trucs acidulés. Est-ce qu'on peut endurcir nos papilles gustatives? T'en as mangé récemment des trucs acidulés, t'es capable de le oui, détecter encore? Exactement. C'est que dans ce cas-là, c'est faible. Je suis sûre que c'est ça. Peut-être que les enfants, vu qu'ils goûtent plus, il faut leur en mettre moins. Peut-être. C'est une question qui va nous intriguer jusqu'à temps qu'on se renseigne. Mais comme tu le disais, on est dans une grosse pointe d'adresse, alors retournons-y pour notre bloc actualité. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. C'est le bloc actualité d'une grosse pointe d'adresse. Tania, t'as trouvé l'information pendant notre trop longue intro. Eh bien oui, Mathieu, j'ai réussi à savoir que finalement, l'acide... C'est sur les côtés, mais plus vers l'arrière. Okay. Donc, on avait raison, il fallait se sploucher en arrière. Mais pas sur les joues, là. Est-ce qu'on essaie sur les joues? Ah, on peut essayer sur les joues. Réessayons. Finalement, on va passer au travers de ça. Ah! Je l'ai squirté à côté de ma bouche. Ah! Non, pas vraiment les joues. Vraiment, non. Là, près de la luette. Mm-hmm. Je m'en suis vraiment mis partout dans la face, je m'excuse. C'est ça. Sinon, si on se splouche sur le devant, c'est le sucré qu'on va reconnaître. J'étais supposé viser le ventre d'habitude. Ouais, j'ai bien vu ça, hein? Tu t'es splougé ça dessus. Donc, la semaine passée, un petit retour sur une nouvelle de la semaine passée. Tu te rappelles qu'on avait parlé de Nutella? Oui. Et de leur pot avec un joli petit design, un peu comme les canettes de diète Coke. Tout à fait. J'avais dit, Colin, si tout le monde a la même étiquette, c'est plate, ben j'avais peut-être pas eu la bonne source d'information parce que Nutella a fait 7 millions de designs différents. C'est en fait un algorithme qui a fait le design de 7 millions de pots différents de Nutella avec des couleurs très, très, je dirais, fluo, barre oblique pastel, dépendant de la bouteille. Donc, c'est des designs avec un algorithme en travaillant avec Ogilvy & Mather. C'est une compagnie de, comment on appelle ça, de marketing en Italie. Donc, ça ressemble, comme je disais, aux canettes de Diet Coke qui avait 2 millions de bouteilles uniques en Israël. Donc, nous voilà avec des pots de Nutella avec différents designs en Italie. Ensuite, une application pour commander des beignets à la plage. OK. Nous dit l'agence France Presse. Les touristes venus passer leurs vacances au Portugal disposent désormais d'une application calquée sur Uber pour se faire livrer à la plage des boules de Berlin. C'est des beignets fourrés à la crème. Miam. Miam, miam, miam. L'application pour téléphone intelligent Bolinas pour petites boules. Permet de commander en anglais, en espagnol ou en portugais des boules de Berlin nature, à la crème pâtissière, au chocolat ou bien à la caroube, une spécialité de l'Algarve, la région touristique du sud, sans payer de supplément. Après 6 jours d'existence, l'application, une première mondiale selon le créateur, Ignacio Correa, compte déjà 4000 utilisateurs, dont des Anglais, des Suédois et des Allemands. Lancée sur 3 plages de l'Algarve, Bolinas, qui s'inspire de Uber, service de réservation de voitures bien sûr, vient d'arriver sur les étendues de sable Lisboète à Carcavelos et Oeiras. Grâce à la géolocalisation, l'un des 10 vendeurs ambulants des 3 pâtisseries partenaires livre en un temps record, en moyenne une dizaine de minutes. À la fin de l'été, Bolinas espère atteindre le plus de plages possible au Portugal et disposer d'au moins 50 vendeurs. C'est génial. Ensuite, Amazon se lance dans la commercialisation de divers vins américains. Oh! Oui, Amazon poursuit sa conquête du monde avec la signature d'un partenariat avec un producteur viticole américain situé dans l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis. Annoncé dans un communiqué au site Recode ce 6 juillet dernier, le partenariat devrait aboutir sur la commercialisation d'une nouvelle gamme pour Amazon, celle de vins. Contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, Amazon n'aura rien à voir avec la production. Il s'agit simplement pour le géant de la vente en ligne de revendre la gamme de vins du producteur. Il y a 3 cépages de Pinot, donc ça s'appelle Next. Tu as le noir, le gris et le rouge. Les prix ne sont pas si accessibles. On parle quand même de 17 à 45 euros, donc une 25aine de dollars jusqu'à peut-être 60 environ. Donc voilà, commander du vin américain. Ah, c'est merveilleux. Les produits sont déjà disponibles sur le site américain dans la catégorie Amazon Wine. J'aime ça. Ensuite, un ancien cadre de Tesla, ainsi que Uber et Facebook, a inventé un remède contre la gueule de bois. Il y a déjà plusieurs remèdes de grand-mère plus ou moins efficaces, mais maintenant un ancien directeur du produit chez Tesla, Uber et Facebook pense avoir la solution. Si-Soon Lee a quitté son emploi chez Tesla pour se consacrer à temps plein au développement de Morning Recovery, une boisson riche notamment en électrolytes, en vitamine B et en taurine. Sans surprise, la campagne Indiegogo a été un énorme succès dès les premières heures. Il aura fallu que quelques heures pour atteindre les 25 000 $ US demandés. Plus de 100 000 $ ont été récoltés jusqu'à maintenant. Si vous êtes intéressé pour votre emballage de 6 bouteilles de Morning Recovery, c'est 24 $ US, 12 pour 45, 24 pour 78. Et les livraisons sont déjà prévues pour le mois prochain. Ensuite, Winter is Here, une nouvelle bière Game of Thrones officielle. Pour les amateurs de Trône de Fer. Jon Snow. Oh, Jon Snow. La bière Winter is Here est une création de Brewery Omegang. C'est une double white ale. Durant 6 saisons, on dit donc que les fans de Game of Thrones ont regardé les grandes maisons de Westeros s'affronter, tout en sachant que la seule bataille qui compte vraiment, la Grande Guerre, était encore à venir. D'où le terme Winter is Here. Dans la prochaine saison, nous célébrons l'arrivée tant attendue de l'hiver avec une bière parfaite pour une consommation au nord du mur. La Winter is Here est une double white fortifiante et délicieuse, brassée au sel de mer et poivre blanc, parfaite pour vous réchauffer en hiver, peu importe combien de temps il dure. Le Winter is Here à 8,3% d'alcool sera disponible en bouteille de 75 cl, des emballages de 2 avec la Fire et la avec la Fire and Blood Red Ale seront aussi proposés avec un verre de collectionneur. Ça coûte 12 $ pour une seule bouteille US, 24 $ pour un emballage de 2 avec un verre. Il faut attendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pas si pire, mais c'est bon en plus l'emballage. Ouais, c'est ça, l'emballage vaut le coup en fait, même le verre. Absolument. Ensuite, comment préparer un sandwich comestible pendant un an? On parle pas de le préparer pendant un an. La phrase est drôle, en fait. Comment préparer un sandwich comestible pendant un an? Non, un sandwich qui va être comestible pendant un an. Je suis pas certaine. On se comprend. Je regarder la photo puis ça a pas l'air bon. Non, effectivement, si on le décrit pour les visuels de nous, parmi nous, le pain a l'air moisi sur le côté. Oui. Le reste a l'air juste d'un restant laissé vraiment très longtemps sur le comptoir. Oui. Tout mou. Bref, la chaîne YouTube How to Make Everything s'est demandé si c'était possible de faire un sandwich qui pourrait se conserver pendant un an et serait toujours bon à manger, donc sain. Hein? Après avoir consulté un professeur de microbiologie de l'Université du Minnesota qui a expliqué les différentes manières de conserver les aliments sur le long terme, ils ont tenté de reproduire l'expérience eux-mêmes pour pouvoir produire des aliments qui seront conservés donc sur le long terme. On retrouve parmi les méthodes des techniques anciennes et traditionnelles comme le salage, bien sûr, avec du sel, la conserve stérile, le vinaigre, le fumage, le séchage, et par curiosité, Andy George a tout essayer ça. Certaines méthodes se sont révélées plus compliquées à mettre en place que prévu, comme le fumage, ont été abandonnées en cours de route sinon, mais au final, il a tenté et exécuté avec toutes ses techniques de conserver du pain, des fruits et légumes utilisés communément pour un sandwich, un œuf et de la viande de porc. Au final, certaines méthodes ont échoué parce qu'il y a eu erreur humaine. D'autres ont bien fonctionné en termes de sécurité alimentaire. Évidemment, les aliments conservés avec des additifs chimiques avaient belle allure à la fin, mais ça donne peu envie de les manger, voilà. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que ça a vraiment pas l'air bon. Mais la plupart des techniques sont faciles à mettre en place et pratiques. Donc, pour avoir des tomates l'hiver, qu'elles soient sèches ou déshydratées, de la viande qui se conserve longtemps, par exemple. Donc, allez voir la petite vidéo. C'est en général vraiment dégueulasse à voir, surtout la photo qui a été choisie comme capture d'écran principale, où là il y a vraiment de mais la regardez moisissure. Pas le vidéo non plus parce que yark. Ouais, c'est ça. Pain sur X. Oui, merci. La science balance toujours entre le pour et le contre concernant la consommation de café. Oh là là! Ah oui. Voulez-vous bien nous laisser tranquille? On sait que tout ce qui est en grande quantité peut peut-être être malsain. Des fois, ça faut y aller avec modération, comme on dit. Au cœur de plusieurs études scientifiques, le café est une boisson souvent décriée pour ses effets délétères sur la santé. C'était sans compter sur ces études menées à grande échelle sur tous les types de populations qui statuent à contre-courant que le café serait bénéfique pour la santé et aiderait au contraire à réduire le risque de divers troubles et maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les AVC, etc. Mais les études en elles-mêmes sont controversées et remises en question par d'autres scientifiques. On en revient souvent au bon sens, à la modération, comme on disait tantôt. Donc voici maintenant une étude qui affirme qu'une plus grande longévité et une consommation régulière de café, au moins 3 tasses par jour, seraient liées. L'étude implique des centaines de milliers de participants suivis sur plusieurs années de plusieurs ethnies et populations et donc de modes de vie variés, suivis sur du long terme, ce qui est plutôt inédit. En aucun cas, les chercheurs ne veulent encourager à boire davantage de café simplement en se basant sur ces études, sur cette étude-là. Pour le moment, cependant, les chercheurs ne sont pas en mesure de dire quels éléments dans le café seraient à l'origine de ces effets bénéfiques sur la santé. De plus, il va sans dire qu'on parle de café pur sans aucun additif comme du sucre, de l'aspartame ou des dérivés. Côté contradicteur, l'étude menée par Paolo Palatini, docteur en cardiologie à l'Université italienne de Padova, tente à prouver le contraire. Et le chercheur s'offusque de cette étude et pointe ses faiblesses, comme par exemple les unités de mesure utilisées. On parle d'une tasse de café différente selon les pays, et la concentration en café est également très différente selon la préparation. De plus, il précise que l'étude ne fait en aucun cas mention des habitudes qui vont souvent avec le café, comme la cigarette, et il déplore le manque de confrontation avec d'autres études, notamment une étude italienne qui démontre les effets négatifs du café sur la santé cardiovasculaire. Bref, Le café peut être plein de choses, plein de bonnes choses, de vitamines, et avoir un effet potentiellement bénéfique, mais comme toujours, il faut opposer les sources disponibles et rester prudent quant aux populations à risque, que ce soit les enfants, les femmes enceintes et les personnes sujettes à troubles, maladies cardiovasculaires et autres. Vous pouvez aller voir les études qui se contredisent sans cesse sur assemblagerequis.com. Plus en bref, maintenant, on parle de Oreo, qui sort toujours des nouvelles versions. Ici, on a des Oreo aux crêpes et sirop d'érable. Oh, je suis pas certaine. En édition limitée aux États-Unis, ça a l'air fantastique, je trouve. J'aimerais vraiment goûter à ça. Édition limitée exclusive chez Albertsons, une chaîne d'épicerie aux États-Unis. Ils sont propriétaires de Acme, Jewel Osco, Safeway, Shaw's, Star Market, Tom Tom et Vons. Aussi, c'est sur Amazon pour des prix vraiment gonflés pour ceux qui veulent absolument se les procurer. Donc, Oreo aux gaufres et sirop. Ensuite, on a une bière fabriquée avec de l'urine. Non! Qui s'appelle une Pilsner au lieu d'une Pilsner. On comprend le jeu de mots? Hein? Donc, Norebo Brigus Beer Cycled Pilsner Pilsner. Pilsner Pilsner, oui. Donc, c'est une bière fabriquée à partir de 54 000 litres d'urine ramassée au festival de musique Roskilde en 2015. Arc! On avait aussi par le passé de la whisky, du whisky, pardon, fabriqué avec de l'urine de diabétique. Bon. Apparemment, c'est très bon. Hein? Donc voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Les gens faisaient pipi lors de ce festival de bière. On a récupéré tout l'urine de ça et on a fait une bière pisse. Ah ah, mais tu sais quoi? Ah. Il n'y a aucune urine dans la bière. On l'a seulement utilisé pour fertiliser le baril qui était utilisé à conserver la bière. Absolument. Fertiliser le barley qu'on appelle l'orge. Oui. Pour fabriquer cette bière-là, à la place d'utiliser ce qu'on a utilisé habituellement qui est. D'habitude, ça passe par du caca de cochon et de vache. Oui. Oh. Je ne savais point. Moi non plus. J'aurais aimé mieux ne pas savoir. Moi aussi. Ensuite, si tu veux goûter un sandwich sans gluten chez Chick-fil-A, c'est un restaurant de poulet aux États-Unis, donc Chick-fil-A a un nouveau burger, un nouveau pain sans gluten, mais il faut que tu l'assembles toi-même. Ah? Des fois, ça peut être difficile de manger dans des restaurants pour les gens qui ont des allergies, entre autres le gluten. La compagnie a donc amené un pain sans gluten à ses sandwichs au poulet. Mais ça coûte plus cher et en plus, il faut que tu l'assembles toi-même. Donc, ils ont ajouté une option sans gluten à leur menu après avoir reçu les demandes de leurs clients, bien sûr. Le nouveau pain est disponible partout au pays, dans les restaurants Chick-fil-A. Ça vient en emballage individuel. On peut le commander avec n'importe quel sandwich au poulet de Chick-fil-A pour 1,15$ de plus. 1,15$ pour un pain. Hein? Le nouveau pain est fait de quinoa et d'amarante, ce qui donne aux clients, aux consommateurs, avec des allergies de gluten, une autre option. Donc les gens doivent assembler le sandwich tout seul, comme j'ai dit, ils le reçoivent déconstruit, un contenant avec le poulet et les ingrédients additionnels, ainsi que le pain qui est lui-même à part. J'imagine que c'est encore plus pour contrôler les allergies avec la manipulation par les employés, donc c'est une bonne idée quand même. C'est pas un gros prix à payer quand même, 1,15$ de plus, c'est devoir le monter soi-même. Le pain va être disponible au niveau national après un test qui a eu lieu dans 3 villes l'an dernier. Italien. Un aéroport italien, en fait. Mm-hmm. Fait des exceptions à sa limite de liquide. C'est le liquide que tu peux transporter dans un avion. Oui. Ils font une exception pour la sauce pesto. Oh, que c'est bon, du pesto. Ils sont si gentils. C'est donc l'aéroport Cristoforo Colombo Airport de Genoa. C'est quoi en français? J'en ai aucune idée. C'est en Italie. Donc, ils ont retiré cette limite de 100 ml pour le liquide en notant que ce soit donc du pesto. Il pesto est bueno. Ça fait, c'est le nom de leur campagne sur la sauce pesto qui a été lancée le 1er juin. Jusqu'à maintenant, 500 pots de ce pesto ont passé par l'aéroport. Donc, ça fonctionne quand même bien. Pour pouvoir voyager avec un pot de pesto jusqu'à 500 grammes, les voyageurs ont simplement à faire un don à une œuvre de charité qui s'appelle Flying Angels, qui aide à couvrir le coût pour faire voler, en fait, en avion des enfants qui vont aller outre-mer pour recevoir des traitements médicaux. Alors, ensuite, ils reçoivent un autocollant spécial pour mettre sur leur peau. Et une fois que le pesto a été scanné par une machine à rayon X, les passagers peuvent l'amener à bord. C'est merveilleux. Pour pas que des terroristes profitent du pesto. Du pesto, voilà. Et si vous allez dans un autre pays que l'Italie, là, vous allez devoir vérifier vos règles de douane et de tout ça par rapport à la nourriture qu'on peut amener. Par exemple, aux États-Unis, bon, des trucs en canne préparés qui ne contiennent pas de produits de la viande sont généralement admissibles. Il y a plein de règles différentes. Le pesto qui est fait à partir de basilic, de noix, de thym, c'est ça qu'on dit, oui. Je pense? Huile d'olive et ail devraient passer aussi habituellement. Donc, vérifiez dans votre pays. Et voilà, là, je pense qu'on va devoir arrêter ici parce que c'est la fin de l'émission, mais vous pouvez retrouver les notes de l'émission d'aujourd'hui. C'est dans l'émission numéro 11-13 de Assemblage Hockey. Voilà, et ça va être la fin de l'émission aussi. Caroline, ça a passé vraiment vite. On a eu tellement de plaisir. Oui, tout à fait, vraiment. Je pense que c'est le soleil qui a fait en sorte qu'on s'est senti un petit peu mieux aujourd'hui. Ah, vraiment, ça a bien été. Donc, merci, Tania. Ben, merci à toi, Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Toujours en direct les jeudis entre 14h et 17h. Après nous, la rediffusion de Rock Révélé. Puis après ça, il y a du baseball avec les jackals, les chacals. Les jackals du New Jersey. New Jersey, les javals. Les javals. Les javals de Laval. Alors, ça se passe à 18h55 sur nos ondes. Ensuite, on repasse le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est la rediffusion d'En Piste avec Tania Beaudin. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on discute des nouvelles règles qui viennent de rentrer en compte au gouvernement du Québec concernant les automobilistes et les cyclistes. Oh boy, oui, j'ai entendu une petite partie de ça. T'as l'air d'avoir quelque chose contre les cyclistes. J'ai pas grand-chose contre les cyclistes. Fasse leur part, comme tout le monde. Écoutez l'émission, puis vous allez voir, je pense que mon point est très clair. Et je pense que je suis pas la seule à le penser comme automobiliste. Je suis cycliste en tant que tel, puis je dis qu'il faut suivre les règles. Bon, c'est ça. Ça arrive. Donc, ça, c'est à 15h samedi. On repasse finalement mercredi entre 11h et 14h. Après nous, une nouvelle édition d'En Piste avec Tania Beaudin. Donc, soyez-y à 14h. Moi, je vais être là pour le Mathieu Plancheau à partir de 15h. Sinon, c'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se quitte avec une pièce de Zouz. C'est la pièce d'Hubert. Est-ce que tu parles d'Hubert? Je te jure que oui. Oh mon Dieu. Comme le chauffeur sans. Comme taxi de. C'est ça, comme les taxis, là. Hubert. Pareil. Hey, à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Ah ouais, squirt-toi ça dans le jus. Pour le reste de l'émission. Ouais,